doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know, I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. To think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song is over, we go home. I know that when the song is over, we go home. I know that when the song is over, we go home. I know that when the song is over. Virgin Radio et The Avenger qui sera électrochoc le 23 juin à l'Altony Garnier. Vos places à gagner toute la journée ici sur Virgin Radio. Il est 6h et sachez qu'en écoutant Virgin Tonic dans un instant, vous avez 10 fois plus de chances de vous faire offrir un café ce matin au boulot. C'est une étude que j'ai trouvée il y a à peu près 30 secondes. C'est pas complètement sûr, mais à vérifier. Camille arrive dans un instant, ce sera après l'actu. Les infos en France et à Monaco, c'est avec Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Il n'y a plus aucun département en alerte ce matin. Il va faire très beau aujourd'hui sur tout le pays. Ce sera même la plus belle journée de la semaine avant le retour des averses et des orages. Dès demain, 23 degrés sous le soleil cet après-midi à Paris, 25 à Lyon et 27 à Marseille. À la veille du coup d'envoi de l'Euro de football, la tension sociale reste importante. Encore des manifs aujourd'hui contre la loi travail et la poursuite des grèves à la SNCF avec un trafic toujours perturbé, les poubelles qui ne sont plus ramassées à Paris et certaines villes de province, ou encore dans le ciel avec la menace de grève à Air France et Météo France à partir de samedi. En ce moment, des manifestants bloquent l'un des accès au marché de Rungis à l'appel de la CGT. Les retraités sont également invités à descendre dans la rue. À propos de travail, une femme a été congédiée par son patron après plus de 150 CDD, 6 années à enchaîner les contrats précaires dans une maison de retraite de l'Ain, et virée pour avoir osé demander un CDI. L'affaire passera devant le Conseil des Prud'hommes à la rentrée le 17 octobre. 7000 convives pour le dîner en blanc hier soir à Paris. Cette année, les participants ont posé l'argenterie dans l'écrin de la très chic Place Vendôme. Installation en 15 minutes chrono, aucun incident. Les dîneurs ont quitté les lieux peu après minuit en emportant leurs déchets. Une semaine avant le bac, 8 jeunes sur 10 ont reçu hier une première réponse à leurs vœux enregistrés sur admission post-bac. 48% des vœux placés en première position ont été validés. Il y aura un tirage au sort pour les candidats de la filière des activités physiques et sportives. Les lycéens ont maintenant jusqu'à lundi 14h pour répondre à APB. Et puis une fois le bac en poche, il faudra se loger près des campus. Une étude de logservice.fr publiée par Direct Matin rappelle que le logement est la première dépense des étudiants, 595 euros par mois en moyenne pour avoir un toit, 800 euros à Paris contre 300 à Brest. Les jeunes qui préfèrent vivre seuls en studio plutôt qu'en colocation. À l'étranger, une attaque sanglante hier soir à Tel Aviv en Israël. Deux Palestiniens ont ouvert le feu au hasard sur des clients attablés dans des bars et des restaurants du quartier de Sarona. 4 morts, 5 blessés, des scènes de panique. Les auteurs des tirs ont été arrêtés. J-1 pour l'Euro de football. Vous le savez, la compétition débutera demain par le match opposant la France à la Roumanie. La France qui gagnera l'Euro d'après le journal L'Équipe ce matin. Le journal qui voit Paul Pogba comme l'une des grandes stars du tournoi. Les Bleus quitteront Clairefontaine aujourd'hui pour une nuit à Paris. En tout cas, avant le coup d'envoi sur la pelouse du Stade de France, le lancement ce soir des festivités. Un concert géant et gratuit au cœur de la fanzone parisienne au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. À suivre en live à la télé ce soir à 20h55 sur TF1. Il y aura bien une cérémonie d'ouverture de l'Euro, ce sera demain soir juste avant le premier match. Et puis la suite de la finale du championnat de France de basket ce soir avec le match numéro 3 entre Strasbourg et Villeurbanne. Les Alsaciens ont remporté les deux premières rencontres. Troisième manche ce soir sur le parquet de l'Asvel. Strasbourg peut être sacré dès aujourd'hui. Voilà pour l'actu, très bon réveil. Nous sommes le jeudi 9 juin et aujourd'hui, selon la météo, il va faire beau, il va faire chaud, croisons les doigts. Je déclare l'émission ouverte. Bonjour la France! Bonjour! Comment elle va celle-ci? Elle va bien et vous? Ah, ça va très très bien ma chérie. Vraiment, on est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà réveillés à cette heure-ci, forcément un peu stressé parce qu'alors voilà, on le dit depuis quelques jours, J-6 avant le bac. Mais alors on parle parce que vous savez, on prend toujours le repère de les épreuves de philo, les premières épreuves écrites aussi, mais je sais que déjà hier, aujourd'hui et tout, il y a voilà, il y a tellement d'académies, il y a tellement de cursus différents et tout ça, il y en a qui ont déjà commencé, qui sont en plein dedans, vous êtes stressés, les parents aussi. On pense très très fort à vous. J'ai une autre meilleure nouvelle, J-11 avant l'été. Ah, ça c'est cool. J-11 avant l'été. It's a summer party. Summer party. Restez avec nous. Et sur Virgin Radio, attention, Laure est arrivée ce matin. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas là pour rien. Non. Laure va vous révéler le mystère de la chaussette perdue. Oui. Ah. Elle est arrivée ce matin. Premier truc qu'elle m'a dit, elle m'a dit t'as une sale gueule. Elle m'a dit Camille, ce matin, je veux absolument révéler le mystère de la chaussette perdue. Je sais enfin, quand on met deux chaussettes à parier. Parier ? Dépareillées. Oui, non, d'abord, elles sont les pas mêmes. Dépareillées. Ah, oui, les mêmes couleurs. Ouais. Les mêmes la même couleur, les mêmes chaussettes. Ouais. Pourquoi, quand on les met dans la machine, il n'en ressort qu'une ? Est-ce qu'elle fugue ? Est-ce qu'elle refait sa vie avec des pantacours ? On ne sait pas. Laure ? J'ai la réponse. Tu nous révèles ça. Ouais. Attention, dans un instant, notre petite Laura est là au 39-16, le reste de l'équipe est là aussi. Clément, un mystère à révéler ce matin? Pas du tout, j'ai récupéré parce que les enfants m'ont épuisé hier, mais on s'est bien marré et génial. Je suis content. Si vous étiez avec nous hier, le Kids Tonic, bien sûr, entre 6h et 9h30 avec 50 enfants. C'était drôle. Ils étaient drôles. Mais enfin, c'est 50 enfants, quoi. Avec les fameux quarts d'heure de on est timide, on est à la radio, et puis une demi-heure après, on est chez nous, barrez-vous, quoi. Laissez-nous, en plus, sans les parents et tout, ils se sont régalés. Oui, Laure. Moi, c'était ma préférée de l'année. Parce que, en fait, j'avais l'impression d'être enfin avec des gens de mon âge. Oh là là. Moi, j'ai ma préférée. Tu veux dire. Moi, la préférée de l'année, c'était le 4 octobre. Tu te rappelles, Laure, t'avais une gastro. J'étais pas là. Ouais, je me rappelle. Je plaisante. Quel mystère va nous révéler ce matin, Pauline, du standard? Aucun. Moi, je vais vous révéler le mystère de Pékin. C'était Shaolin, le meurtrier. Je voulais rappeler aussi qu'on est à 15 jours du BEPC. Ah oui, il y a plein de choses. Oui. Mais en gros, on va vous souhaiter un bon courage à vous tous qui avez démarré. D'autres, c'est dans quelques jours. D'autres, c'est un peu plus tard. En tous les cas, les amis, quel que soit votre cursus, on vous souhaite énormément de courage. Nico du bureau est là aussi. Le BEPC, c'était dans les années 90. Voilà, non, on appelle ça le brevet des collèges. Voilà. Et oui. Et ben moi, j'ai compris. Merci. Ouais, j'ai compris, Pauline. Merci, Kevin. Moi, j'ai tenté de résoudre le mystère du bureau vide. J'ai toujours pas compris. Le bureau est aussi vide dans cette radio. Parce qu'il y a le mystère des terrasses pleines. Retour du soleil, il y a de l'apéro. Tous les gars, ils veulent aller en terrasse genre pour bosser. On bosse un peu, on se met en terrasse et tout. Puis bon, bah, rendez-vous 2-16-64 plus tard. Il n'y a plus du tout de boulot. Ginger est là aussi sur les réseaux sociaux. Oui, bonjour à tous. Salut à Ginger. Attention, elle prend pas trop le soleil, elle est Ginger, elle est rousse. Eh ben oui, bah ouais. Et moi, je connais le mystère, par exemple. Est-ce que tu sais pourquoi il y a beaucoup de roues dans les pays du Nord? Moi, je sais ça. Enfin, il y a une légende urbaine. Hein. Après, est-ce que c'est la vérité? Je sais pas trop. Mais pourquoi? Tu veux mais non, parce savoir. Que c'est simple. Parce que les parents sont roux et ils font des enfants roux. Ah bah oui, mais à la base, les parents, pourquoi ils sont roux? Bah parce que les grands-parents sont roux. Parce qu'ils mangent beaucoup de carottes. Ah, ça marche aussi. Ça pourrait marcher. Alors, c'est parce qu'à la base, en fait, les rouquins étaient une espèce d'espèce pas franchement la bienvenue. Donc, ils mettaient les enfants dans des paniers et avec les courants du nord, ils les jetaient à la mer. C'est une des explications possibles à cette histoire. Je te promets que c'est vrai. Mais c'est pas possible. Bah ouais. C'est un truc de dingue. Bah ouais. Oh, Clément. Et dans ses paniers, il mettait les chaussettes des parisiens. Et on résoudre le mystère. Non, non, non. En fait, la deuxième reste. Chaussette est en Suède. Restez avec nous sur Virgin Radio. Là, dans quelques secondes, Laure va vous révéler le mystère de la chaussette perdue. Où va cette chaussette? Donc, c'est un truc que t'as lu ou que t'as rêvé? Que ah t'as bon, trouvé j'ai vécu. Donc tu j'ai sais, tout mais non, mais t'as vraiment la réponse. J'ai la réponse. Je sais pas, ça me. Je suis comme un mec. On va enfin savoir ça, les amis. On va vous couvrir de cadeaux ce matin encore. Avec tous les enfants qu'on avait hier, on n'a pas pu tirer au sort pour le Axbot Festival. On le fera deux fois ce matin. On vous invite du 4 au 6 août avec Breakbot, Lilywood and the Creek, Feder. Vous irez faire la fête, la plus grande fête de l'été. Hein. C'est tous les ans. Le Axbot Festival, c'est à gagner, bien sûr, au 39-16. Une dernière personne tirée au sort pour partir en Guadeloupe. Séjour de 5000 euros. J'ai un loyer aussi à vous offrir à 6h20, vous imaginez? C'est 6h, on va démarrer comme des fous. Et puis je peux vous dire que dès 6h20, un loyer, un mois de loyer à gagner. Il suffit de vous inscrire au loyer au 7-12-13. Malora, je t'embrasse très fort. Oui, bisous. Bisous ma belle, merci d'avoir démarré cette émission. C'est parti, on est tous ensemble jusqu'à 9h30. J'ai envie de dire, coup d'envoi du Virgin Tonic. C'est parti, merci d'être avec nous. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. Tonic. To anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Wanted to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. So fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight or die this way. Said his body's too old for working. His body's too young, took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and I swear for the suburb. You got a fast car. See you fast enough, she can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let him die this way. réveil à tous, c'est jeudi, c'est le 9 juin. Aujourd'hui, l'équipe est là, bien sûr. Oui. Vous aussi derrière votre radio, courage à ceux qui ouvrent les yeux. Encore plus à ceux qui ont bossé toute la nuit, les infirmières, les aides-soignantes, les veilleurs de nuit. Eh bien, je viens de voir une étude d'Ambiba. Oui. Mm-hmm. Étude de l'université de Chicago. Yeah. Qui nous apprend que les femmes seraient généralement plus matures que les hommes au même âge. Vous avez besoin de faire une étude, vraiment? Mais on serait toujours en retard de maturité par rapport à vous, les femmes. Eh oui. En quoi vous êtes plus mature que les mecs, tiens, Laure? Bah, nous, quand on est pas bien, on discute, vous buvez. Oh, ça dépend. Oui, mais une fois qu'on a bu, on discute mieux. Un bon résumé. Pauline, en standard. Bah, pour les papiers administratifs, je pense que là, on peut se dire que 99,9% des mecs sont à la traîne. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ouais, c'est ma mère qui le fait. Peu de gens disent c'est mon père qui me le fait. Mes impôts et tout, non, j'y arrive pas, je suis largué avec l'assurance maladie, c'est mon père qui fait tout. Non. C'est quand même très rare. Hein. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. On s'écouterait pas un peu de Justin? Ah ouais. Justin Timberlake, can't stop the feeling. Mais lequel? Timberlake. Bah oui. Non, mais je savais pas, Justin Bieber, Justin. J'ai dit Timberlake trois fois, hein. Ah ouais, bah voilà. Allô, on est à l'écoute, on ouvre un peu les esgourdes, on est avec nous, elle se réveille tranquillement. Pauline est là aussi, c'est Virgin Tonic avec vous. Tout de suite, on écoute Justin Timberlake dans Virgin Tonic. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Bon réveil à vous tous, merci de nous avoir choisis les amis. Pour faire plaisir à Pauline, on vient de quitter Justin Bieber et c'est Justin Timberlake. Non, c'est l'inverse. Justin Bridou, bien sûr. Et Timberlake qui retrouve Bieber. C'est quoi, j'ai dit l'inverse? Ouais. Remettez cette émission dans l'ordre. N'hésitez pas, on joue au pendu ce matin sur Virgin Radio. Excellent réveil et restez avec nous surtout. Le mystère de la chaussette perdue, on le saura dans quelques minutes. Laure enfin trouver la réponse. On passe les chaussettes dépareillées dans notre machine à laver. Elle a fait l'expérience toute seule, elle nous en dira plus dans un instant. Excellent réveil, un loyer à gagner à 6h20. Soch présente. Et tu sais quoi, je suis pas chez Soch. Oh mince, je suis pas chez. Mais Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude. Non mais là c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah oh, super, je vais passer chez Soch. Oh mince, oh. Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soch promo. Soch. Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soch.fr. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Captur dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu, à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. Le 9 et 10 juin, Leader Price frappe fort sur les prix. La fraise Garriguette catégorie 1, origine France, est au prix incroyable de 1,19€ la barquette de 250 grammes. À ce prix-là, on ne s'en prive pas. Alors dégustez un fruit de saison au goût unique. Barquette fraise Garriguette 250 grammes à 1,19€, soit 4,76€ le kilo. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Mais t'étais en train de regarder la télé? Hein? Non, pas du tout, je... Tu regardais la télé? Non, enfin oui, mais je regardais un film sur RTL9, tu sais. Du cinéma? Mais oui, enfin, tu sais bien, RTL9, c'est plus de 100 films par mois. Bon, alors ça va. Quand ailleurs, c'est de la télé. Sur RTL9, c'est du ciné. RTL9 est disponible sur CanalSat, Orange, Bis Télévision, Free, Bouygues Télécom, SFR et Numéricable. Paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Il n'y a plus aucun département en alerte. Ce matin, c'est la plus belle journée de la semaine avec du soleil sur tout le pays. À peine quelques averses possibles sur les Alpes. Un grand ciel bleu partout ailleurs. 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 19 à Lille, 21 à Beauvais. Vous aurez 22 à Colmar, Chambéry, Valence et Nice, 23 à Brest, Strasbourg et Ajaccio, 25 degrés à Rennes, Nantes et Lyon, 26 pour Bordeaux et Marseille, la maximale 29 à Nîmes et Montpellier. Demain, le retour des orages sur toute la moitié ouest. Bon réveil. Est-il fidèle? Envoyez proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio Classics. La web radio 100% classique. Radio Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Vous rêvez d'un enfant, la chair de votre chair, votre petit bébé, envoyez famille au 71 777 et nos experts vous diront si vous allez bientôt devenir maman. Famille FAMIIIE au 71 777, ça arrivera peut-être plus tôt que vous ne croyez. Envoyez famille au 71 777. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Vous cherchez un endroit où vous sentir libre? Virgin Radio présente le Ziget Festival. Le festival immanquable sur l'île de la Liberté. Au cœur de Budapest. Le Ziget, c'est le prix du meilleur festival européen. 400 000 spectateurs, plus de 80 artistes. Du 10 au 17 août 2016, avec Muse, Rihanna, David Guetta, Sia, Jane, Parov Stellar, Jess Glynn, Codeline, M83, Years and Years. Infos et réservations sur virginradio.fr et ziggetfestival.fr. Le Ziget Festival, forcément, un festival Virgin Radio. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Et je ne suis pas seul à payer votre loyer. Bon réveil jeudi 9 juin aujourd'hui. Merci de nous suivre chaque matin. Merci d'avoir suivi aussi les spéciales enfants d'hier. Le Voice. Non, ben. Kids Tonic. On l'a répété 100 fois et j'ai oublié. Le Kids Tonic, on était avec une cinquantaine d'enfants. L'émission est à retrouver en podcast. Toute l'équipe est là. Il y a Clément, il y a Pauline. Oui, oui. Il y a l'inspecteur Barnaby. L'inspecteur Lornaby. Puisque Lore a réussi à démener un grand mystère de la vie. Où partent les chaussettes dépareillées? On vous dira ça juste après le loyer. Oh. Je sais pas si c'est vendeur, hein. J'en parle depuis 6h ce matin. Teasing, hein. Je sais pas si les gens restent au point de. Non, je peux pas quitter ma voiture tant que je n'ai pas la réponse de l'or. Ben peut-être, en tout cas c'est dans un instant, mais pour le moment on tire au sort, c'est parti, premier loyer de la matinée. Je vous souhaite bonne chance à vous tous. Loyer au 7-12-13 par SMS, un seul numéro, le texto. Voilà comment vous inscrire. Tentez votre chance, décideur, il y a un peu moins de monde. Hein. J'ai peur qu'on a un peu survendu du coup. Ah bah non, me dis pas ça maintenant. Ok. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Carole, la caca, la roro, la le. Oui, c'est moi. Salut ma chérie, tu viens d'où? Salut, Ballon à côté de La Rochelle. Non, je te demande pas ce que t'aimes dans la vie. Je te demande d'où tu viens. Non, d'abord j'aime pas le foot. C'est pas okay. Le ballon. Non, j'aime pas le. De Charente-Maritime, tu nous écoutes le matin? Tous les matins depuis 2 ans. Eh ben t'as vu, t'es vraiment, eh ben t'as bien raison ma belle, puis ça va te porter chance. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? On veut c'est Virgin Radio. Tu fais quoi dans la vie, Carole? Je suis infirmière. Je vous salue, il y a encore 2 minutes, ouais. En vous disant, je sais qu'il y a plein de filles aussi qui ont bossé toute la nuit, et de garçons d'ailleurs, les infirmiers aussi. Ma Carole, oui, il est de combien ton loyer en Charente-Maritime? C'est un remboursement d'emprunt qui est à 1206 euros. Pas mal, alors, on vit avec le père Fouas. C'est pas loin. Le Fort Boyard, c'est pas loin, bien sûr, le fort. Ma Carole, ouais, je suis ravie. Alors, on va te faire un chèque de ce montant-là. Oh punaise, c'est trop cool. Mais t'es un amour. Mais tu peux nous envoyer 2 vaccins contre le tétanos en échange, comme t'es infirmière. On n'a pas nos rappels à jour. J'aimerais vérifier les carnets de vaccination moi-même. Eh ben, ça nous fait plaisir. Ma petite Carole, félicitations. 1200 euros, première gagnante de la matinée. Je t'embrasse très fort. Ah, merci Camille, merci. Merci à toute l'équipe, Pauline. J'adore bisous. Ton rire. Vous m'éclatez tous les matins. C'est du bonheur de vous écouter. Ça me met une pêche d'enfer. Et là, je tremble et je suis en bonne forme pour toute la journée. C'est du bonheur. Je vous remercie. Si vous êtes des amours. Oh, mais t'es un ange, ça nous fait tellement plaisir tout ce que tu dis. Oui, Nico du bureau. Je viens de voir que les habitants de Ballon s'appellent les ballonnets. Ouais, c'est vrai. Mais on n'est pas tous ballonnés, par contre. Mais tu vois, du coup, t'as eu droit à un beau rire de Pauline. Oh là là. Et en plus, ça vient du cœur. Monsieur, il venait du foie, je c'était un rire, mais d'alcoolo, quoi. Les amis, merci d'être là. Merci à Carole, merci à toutes les infirmières, les aides-soignantes qui nous écoutent. Justin Bieber, love yourself. Prochain tirage au sort, c'est à 7h20. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Hey, this is Justin Bieber. Hi, this is Ed Sheeran on Virgin Tonic. Virgin Tonic. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. It was wrong. Try to make me forget where I came from. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. See what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Bon réveil à vous tous, c'est jeudi aujourd'hui, merci d'être là. On est le 9 juin déjà. Mais oui, ça passe vite. Le 9 juin, les amis, et alors attention. Ça fait un bon moment qu'on en parle, mais là, il est temps de révéler le mystère de Laure. Laure, elle arrivait ce matin, premier mot, elle m'a dit « Camille, j'ai enfin un truc, j'ai enfin compris. » Où partaient les chaussettes quand elles sont dépareillées? On met les deux mêmes chaussettes ensemble dans la machine et on ne les retrouve plus. Il y en a une qui disparaît. Laure, mais en plus, t'as vraiment l'impression d'avoir trouvé un truc de dingue. Premier degré, tu m'as dit « Ça y est, j'ai trouvé. » J'ai trouvé. Bah, j'ai déménagé. Alors, t'as déménagé. Alors, où partent tes chaussettes, d'après toi, Clément? Bah, j'imagine, si elles disparaissent vraiment, ça va être dans un tuyau. Dans un tuyau, elle bouche quelque chose d'autre, et quand t'enlèves. Bien sûr, parce que Laure déménage avec ses tuyaux, elle repart avec toute sa plomberie. Bien sûr, elle part avec toute la plomberie, elle n'a rien à faire. L'électricité, elle arrache tous les câbles et tout. Elle part pas les mains vides. Pauline, au stand. Alors, en fait, quand tu prends du panier à linge, souvent tu soulèves tout, tu prends dans tes bras, hop, tu marches un peu et t'en perds toujours une sur le côté et tout ça. Donc, tu laves la première et après tu reprends, tu fais passer à l'autre machine. Et du coup, elles sont jamais ensemble. Et au bout d'un moment, bah, ça se disperse. Et... J'aurais dit pareil. Moi, j'aurais dit derrière la machine à laver. Ouais, voilà. Alors, figurez-vous que, en fait, on laisse des chaussettes. Attends. Oui. Pas assez de mystère. J'ai peut-être une autre hypothèse. Ok. D'accord, vas-y. Apparemment, elle va faire l'amour pendant que tu veux répondre au mystère. Merci Robin, notre réalisateur. Pour lui, la musique de mystère, c'est la musique des films érotiques du vendredi soir sur RTL9. Alors, là, où part cette chaussette, cette maudite chaussette? Est-ce que vous les mettez vraiment par deux ensemble tout le temps dans la machine à laver? Ben alors, la première fois, oui, puis après, on les perd. Ben non, j'ai l'impression mais c'est pas que oui. Ça. En fait, on ne les met pas ensemble dans la machine à laver. En fait, les chaussettes, on les enlève souvent dans le lit, sur le canapé, même parfois dans la cuisine, t'en enlèves une, tu la jettes, etc. Bref, j'ai déménagé, donc j'ai sorti tous mes meubles et il y avait des chaussettes. Non mais je crois que Robin veut vraiment te choper. Attends, mais je peux le faire du coup un peu plus langoureux. Et alors, il y avait des chaussettes, mais derrière les meubles, sous le lit, mais vraiment absolument partout mais dans la maison. C'est-à-dire, donc en fait, donc tu penses que pourquoi elles sont dépareillées, c'est qu'en fait elles n'arrivent jamais à la machine à laver. Jamais à deux. En fait, c'est des baroudeuses, elles partent dans tous les sens. Moi, j'ai retrouvé des chaussettes dans les tiroirs de mes bureaux, j'ai retrouvé des chaussettes derrière la machine à laver, derrière la baignoire, parce que le panier à linge est à côté. Il y en avait partout dans la maison, monsieur Combal. Ça me paraît quand même... Ça me paraît bizarre. Non, elle n'a pas complètement tort. Peut-être pas partout dans la maison, mais quand tu les prends pour les mettre, t'en fais tomber une au moment toujours de le mettre. T'en fais tomber une. Mais c'est ce que je. Là, c'est pareil, c'est pas au moment où tu les reprends, c'est au moment où tu les mets. Et je pense qu'elle a pas et tort. Et surtout les mecs, ils mettent jamais leurs chaussettes dans le panier à linge. On le sait très bien, ils les jettent à côté. Ouais. Et il y en a une qui part, j'en ai trouvé dans la cheminée. Mecs, ça peut même nous servir de mouchoir quand on a plus rien. Quand on a plus rien sous la main, ça peut nous servir de mouchoir. Hein. Voilà. Donc c'est ce que tu penses, là. C'est quoi? Ah, c'est Robin, apparemment, une nouvelle cryptée de Canal+. Je crois qu'il a vraiment un message à nous faire passer. Oui, Clément. Donc, il faut retourner, on les roule en boule. Voilà. Ce qui était interdit. Nos mères nous disaient toujours, mais ne les roule pas en boule, j'arrête pas à les laver. Ben oui, mais en fait, grave. Comme ça, on les perd pas. Voilà. Donc, Laure, tu penses avoir vraiment trouvé un truc? Et non seulement j'ai trouvé un truc, et j'ai trouvé une solution pour parer à ce truc. Ah, ben, ouais. C'est quoi, les mettre ensemble? Non, c'est que j'avais en fait plein de chaussettes, c'est la même marque, parce que j'ai toujours la même marque, de plein de couleurs différentes, j'en avais marre. Donc, j'ai pris toutes les chaussettes, je les ai mises à la machine, toutes ensemble, et je les ai teintes en noir. Ah. Et j'ai que des chaussettes noires maintenant. Ah, pas mal. Hey, problème, solution. Oh, ben alors, dis donc, Robin. Bon, ça, t'es très très chaud sur les chaussettes, Robin. Hein. Merci d'être avec nous, les amis. Énorme mystère révélé ce matin. Oh là là là là là là. Alors là. On l'a échoué à survendu quand même. Hein. Ouais. Je m'attendais à mieux. Hein. Tout ça pour finir. Hein, j'ai teint mes chaussettes dans ma machine à laver. Calvin Harris, this is what you came for. Voilà ce qu'on va écouter pour le pop rock électro. Excellent réveil. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ce sera presque l'été aujourd'hui avec du soleil sur tout le pays, à peine quelques averses possibles sur les Alpes, mais un grand ciel bleu partout ailleurs, il n'y a plus de département en alerte. Un mercure à 22 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 23 à Paris, 25 à Lyon, 27 à Bordeaux et à Marseille et 29 à Nîmes. Encore des difficultés aujourd'hui sur le réseau ferroviaire, le mouvement social se poursuit à la SNCF et le trafic reste perturbé, notamment pour les TER. La CGT promet aussi un durcissement de la grève du ramassage des poubelles qui déborde déjà à Paris. Risque de grève aussi pour ce week-end à Air France et Météo France et des manifs aujourd'hui contre la loi travail ou encore des retraités. Un pays en pleine pagaille sociale à la veille de l'euro. Bienvenue en France, titre le Parisien à l'adresse des touristes du monde entier. APB 2016 était le hashtag le plus commenté hier sur Twitter. Une semaine avant le bac, la plateforme admission post-bac a livré hier ses premières réponses aux vœux des futurs bacheliers avec un taux de satisfaction en légère hausse par rapport à l'an dernier. Les lycéens ont maintenant jusqu'à lundi 14h pour valider leur choix de filière. Après les Champs-Élysées, la place de la Concorde ou encore la pyramide du Louvre ces dernières années, le dîner en blanc 2016 s'est déroulé hier soir sur la très chic place Vendôme à Paris. Quelques 7000 convives tout de blanc vêtus qui ont quitté les lieux peu après minuit sans incident. À l'étranger, deux Palestiniens ont semé la terreur hier soir dans un quartier animé de Tel Aviv. Ils ont ouvert le feu sur des clients attablés dans des bars et des restaurants, faisant 4 morts et 5 blessés. Les deux auteurs de l'attaque originaire de Cisjordanie ont été arrêtés. La France exprime son soutien à Israël dans la lutte contre le terrorisme. Hillary Clinton a remporté hier la primaire en Californie. Elle confirme ainsi son statut de candidate démocrate pour la présidentielle américaine de novembre face au républicain Donald Trump. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une femme remporte l'investiture. Barack Obama recevra aujourd'hui le sénateur démocrate Bernie Sanders à la Maison-Blanche. J-1 avant le coup d'envoi de l'Euro de football et pour lancer les festivités, un concert géant est gratuit ce soir au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Dès 20h55, plusieurs artistes comme Will.i.am ou Luan et à 23h, un grand show de David Guetta, soirée retransmise en direct sur TF1. Une soirée qui se déroule dans la fanzone parisienne, un espace où 90 000 amoureux du ballon rond pourront suivre des matchs sur écran géant. Voilà pour l'actu, très bon réveil. Salut, c'est Camille Combal, comment allez-vous? J'espère que bien, ça va, tout ça, pépère, hashtag bonjour. Soyez les bienvenus, merci d'être là déjà sur les réseaux, le Facebook, le Twitter officiel, on lit tous vos messages, c'est un bonheur d'être avec vous chaque matin, hashtag Virgin Tonic, le 3916, le numéro pour nous joindre bien sûr, oui. L'équipe est là. Oui. On est très heureux, jeudi 9 juin, aujourd'hui j'espère que tout va bien pour vous. On a plein de cadeaux magnifiques à vous offrir, vos premières places déjà, il y en aura deux ce matin pour le Axboat Festival. Le plus grand festival, la plus grande fête de l'été, ils organisent ça tous les ans, tout le monde rêve d'y être, et bien on a les passes VIP pour y aller, pour rencontrer tous les artistes présents. On est sur du Lilywood, on est sur du Breakbot, on est sur du Feder... Ouais. On est sur ça aussi. Fakir. Fakir. Eh ben bien sûr, Fakir, ça. Ah, c'est les Castor Flower, non? Les casseurs flotteurs. Flotteurs. Ah, j'aime bien ça. Moi, j'ai dit flower, je vois des fleurs partout. Moi. Et il y aura même, et quand même, rendez-vous compte, Mark Ronson sera là aussi. Vous voulez gagner ses places, 39-16. On n'a pas pu en offrir hier, mais bon, on a passé une émission tellement formidable avec tous les enfants qui étaient en podcast. Le Kids Tonic. Mais du coup, on le fera deux fois, ce cadeau, ce matin. Calvin Harris, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Mais tout de suite, comme chaque matin, aux alentours des 6h35, c'est le Réponse à tout de Clément Lacroix. Tonic. Réponse à tout. Clément, hier, il n'a pas eu à aller bien loin pour trouver des enfants qui répondent à ses questions. Il a dû en mettre de côté du Réponse à tout. Exactement, et je leur ai demandé quel était leur moment préféré de l'émission d'hier. Ton moment préféré de ce matin, c'était quoi? Quand je suis partie à Virgin Tonic. Ce matin chez toi? Oui. Ah, c'était mieux que l'émission? Non. Ah d'accord, mais ton moment préféré dans l'émission? C'était quand on se faisait maquiller. Toi, c'était quoi ton meilleur moment? Quand t'as arrosé avec les pistolets. Il y avait de la peinture dans les pistolets. Toi, t'étais comme ça. C'était quoi ton moment préféré? Au moment des détecteurs de mensonges. Alors toi, ton meilleur moment, c'était quoi? Tout. Tout? Qu'est-ce que t'as bien aimé, toi? Bah, quand j'ai les détecteurs de mensonges. Pourquoi? Parce que on apprend des vérités. Quand on t'a arrosé avec les pistolets avec la peinture. Moi, c'était tout, mais surtout là, quand on t'a arrosé aussi. C'est quand vous êtes arrivé. Ah, pourquoi? Bah, parce que je les aime bien. Le réponse à tout. Merci d'être avec nous les amis, merci de nous choisir parmi toutes les radios disponibles. Vous êtes si nombreux sur Virgin, ça nous fait tellement plaisir. Calvin Harris, on l'écoute tout de suite, on revient dans un instant avec vous. On joue tous ensemble au blind test, bon réveil sur Virgin. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Jeudi 9 juin, aujourd'hui, soyez les bienvenus. Virgin Tonic. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Bien sûr qu'on est là. On vous souhaite un excellent jeudi. On pense à vous à cette heure-ci, hein, qui est encore sous la douche, en train de préparer le petit-déj. D'autres, je le sais, et même nombreux sont déjà au travail, sur la route. Et on a un cadeau magnifique à vous offrir ce matin. Des séjours VIP pour le Axbot Festival. Ce sera à Nice cette année, du 4 au 6 août. Et chaque jour, deux personnes sont en concurrence. Et sont en concurrence sur un blind test. Le meilleur des deux gagne le Graal. Les deux passes VIP. Ce matin, on va accueillir Marina qui est avec nous. Salut Marina. Salut. Marina, je suis ravie de t'entendre. Elle vient d'où? Ouais, moi aussi, je suis de Bordeaux. Bordeaux, ah, la Gironde, on adore. Ouais, Alain Juppé, ouais, Calvitie. Bassin d'Arcachon, bien sûr. Et Jérémy, il est d'où? Eh bien, il est de Rennes. Bonjour à tous. Salut, mon poteau. De Rennes, on adore. La rue de la soif. La rue de la soif, la galette saucisse. Eh oui. Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des tonneaux. C'est la chanson officielle dans le stade de Rennes. Le Roudrou? Non, le stade de la route de l'Orient. Ah oui, bah c'est pourquoi c'est sur la route de l'Orient en fait. Ouais, exactement. Eh bah oui, alors tu restes bête hein. C'est quoi le refrain déjà de ce truc? Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos. Ah, c'était ça, des refrains par terre. Dans tous les caniveaux. Voilà. Ah, merci. Je suis sûr de toi. Bah, Jérémy, c'est ça ou pas? Yes, t'as tout à fait raison. Eh bah, bien sûr. Mon Jérémy, ma Marina, oui. C'est parti, jingle, vous allez comprendre. Là, on a le sourire, mais dans un instant, c'est la compète. Hein. Virgin Tonic, Blind Test, sur Virgin Radio. Le blind test, le principe est simple. Celui des deux qui marquera le plus de points repartira gagnant. Pendant 30 secondes chacun, je vais vous faire écouter des morceaux. Tant que vous voulez, vous pouvez essayer d'avoir la bonne réponse. Et dès que vous l'avez, on passe à la chanson suivante. Et vous pouvez aussi, bien sûr, passer à tout moment. 30 secondes, ça va très vite. Donc ne vous endormez pas. Celui des deux qui trouve le plus de morceaux d'artistes, hein, c'est important, d'artistes, en 30 secondes, repartira avec le cadeau. On commence avec toi, Marina ? Ouais, ok. Alors c'est parti, Jérém, je te mets un petit peu en attente. Pas de soucis, il y a un vieux Paris Match à lire hein, si tu veux patienter tranquillement, c'est comme chez le dentiste. Marina, prends toute l'aide de tout le monde, c'est parti. Eh ben c'est parti ma chérie, 30 secondes. On démarre ce blind test. C'est Bruno Mars. Bruno Mars, on accepte. Oh putain, je sais pas, je passe. Sia. Sia, bien sûr. Je sais pas, je passe. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, je viens de... Ils y sont en plus sur le Xbox. Je sais pas. Ah, le dernier, on va l'écouter, c'était bien sûr David Guetta. Le ridicule ne tue pas. Mais non, t'as été pas mal du tout. Deux points, c'est pas ridicule en 30 secondes. Hein. Bah, c'est le record. Il y avait Lily Wood and the Prick aussi. Eh oui. Oh, juste avant, t'as eu du mal à reconnaître Kygo. Oh, ouais, grave. Sia. Oh, honte de moi, je pense. Mais non, c'est très bien. Donc t'as reconnu Sia, t'as reconnu Bruno Mars. Et il y a celui-là que t'avais pas reconnu aussi, c'était Ozier. Eh ben oui, évidemment, take me to church, amène-moi à l'église ou amène-moi acheter des church parce que les vieux souliers sont pourris. Alors attention Marina, deux points, c'est loin d'être ridicule, mais Jérémy va essayer de faire mieux. T'es de retour Jérémy ? Je suis de retour et en effet, le challenge est important. Il est pas simple. Il est pas simple, mon bichon. Alors, prépare-toi, on va y aller tout de suite. Je te souhaite bonne chance. 30 secondes pour toi aussi, tu passes à n'importe quel moment. On y va, on démarre avec ça. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Tu l'avais celui-là au moins? Okay. Qu'il n'est jamais très loin. Ah, j'ai une pression. Tu l'avais celui-là qu'on est en train d'écouter? Mais oui, c'est. C'était Stromae. Ah, mais oui, mais grave. Eh oui, ah, et qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Quand on cherche bien, on finit par trouver. Voilà. C'est pas vrai pour toi, Jérém. Ah, ben non, grave. Oh là là, Stromae. Alors, t'es passé le premier, t'es passé à côté de Rihanna. Ah ben oui, Rihanna, mais carrément. T'es passé à côté de Sam Smith. Ah oui. Et t'es passé alors quand même à côté de Coldplay. Ah oh bah oui, Coldplay, non mais... Les singes. Oh là là là là là là. Marina, avec deux points, tu vois que t'étais bien, c'est gagné, bravo. Merci Camille, toute l'équipe, c'était génial. Super contente, Jeanne est malserette, elle a 40 ans, c'est, ça va être son anniversaire, un truc de ouf quoi. Eh ben très bien, moi j'y passerai aussi, hein, sur le Axbot Festival du 4 au 6 août. Tu pourras applaudir Feder, Breakbot, Cassius, Lily Wood and the Prick et on se fera des bisous. Transport, yes. Hôtel compris, passe VIP compris. C'est génial, je suis trop contente, merci Virgin Radio. Eh ben je suis très heureux aussi Marina, félicitations. Et Jérémy, tu sais quoi? Oui. Dans une heure ou deux, on remet ce cadeau en jeu parce qu'on a deux fois, on n'a pas eu le temps de faire hier puisqu'on avait tous les enfants en studio. Et ben tu peux, tu sais quoi, je te prends, on trouve quelqu'un d'autre pour t'affronter, t'auras une deuxième chance. Oh, t'es trop gentil, vous êtes adorable. Et ça me fait plaisir. Bon, de la chance, parce que laisse tomber. Eh ben écoute, ça te laisse le temps de réviser ton blind test. On te retrouve d'ici une heure sur Virgin Radio. Tu retenteras ta chance pour repartir avec ces places pour le Axbot Festival. Et tout de suite, c'est Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Bon réveil sur Virgin. Le 9 juin, ça tombe un jeudi. Bim. Bon courage à vous tous, milieu de semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour vous donner le sourire, en tout cas, moi je vais vous payer un loyer à 7h20 en direct en exclu. Loyer au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Et le pop rock électro que vous aimez, Mom, Aloha. Voilà ce qui arrive dans le Virgin Tonic. Excellent réveil à vous. Merci de nous avoir choisis. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Tonic.

merci d'être avec nous les amis. Dans un instant, un point sur l'actu comme chaque jour à 7h, juste après 7h05. Vous nous faites rire, c'est votre rendez-vous, la question de ouf, avec tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur 01 84 07 08 09. L'équipe est là bien sûr. Oui. Excellent réveil à vous, jeudi 9 juin aujourd'hui. Eh oui, tiens, je viens de voir une étude. Oui. Une étude. En ce moment, c'est le moment d'acheter des céréales. Ah. Alors là, voilà, là vous êtes nombreux à cette heure-ci, je le sais. Beaucoup en voiture qui embauchent à cette heure, mais encore plein de gens à la maison en train de petit déjeuner. Ben, c'est le moment d'acheter des céréales parce que le prix des céréales ont jamais été aussi bas depuis 2009. Ah ouais. Bah oui, ça vous intéresse, vous qui êtes en train de petit déjeuner. Lesquelles? Et puis pareil, c'est très très bon en plus pour la santé. Les céréales, c'est bien. Pas toutes, il y en a qui sont trop sucrées, pareil. Ouais. C'est quoi vos céréales préférées? Tiens, voilà une bonne question. Avant 7 heures, on est tous après loin du petit déj. Quelles sont les céréales que vous adorez manger le matin? Clément. Moi, les Chocapic aux pépites de chocolat. Ah, avec des chocolats. Non, mais parce que j'aime bien la pub, en fait. Tu sais, avec un champ de Chocapic, du blé. C'est, un jour, ils ont mis du chocolat et ça a fait des Chocapic. Ouais. C'est pas vraiment petit, la vraie. C'est pas comme ça qu'ils ont fait, hein, en vrai. En vrai? En vrai, t'as envie d'y croire, mais c'est pas ça. Ouais, j'y crois, moi. C'est quoi ta céréale préférée? Tiens, Nico du bureau. Si je peux pas mettre Chocapic, mais Chocapic duo. Chocolat noir, chocolat blanc, baf, hop, un peu de lait, c'est parfait. Oh, ça devient trop compliqué. C'est classique, moi. Ça devient trop. Moi, c'est les Apple Minis. Ah ouais? Oh là là, la pomme, hein, grillée au four, un petit peu de cannelle, c'est un voyage gustatif. Puis, attendez. Mais chaque petite céréale, elle aurait pu gagner le meilleur pâtissier sur M6. Je les trouve pas. Comment? On les trouve pas. On les trouve? Oui. Où? Où va ma chérie? Alors attends. C'est Carrefour. Carrefour, tu peux nous en ramener? Carrefour, non? Je les trouve pas, moi. Non. Rapport au jardin privé. Oui, Clément. Quand on était petit, il y avait plein de céréales, mais maintenant, ce qui fait un carton, c'est les trésors. Tous les enfants, ils veulent des trésors. Trésors caramel, trésors noisette, chocolat au lait. C'est vrai. Il y a les céréales Lyon qui sont bonnes aussi. Maman, ma fille, elle veut ça. Ah ouais, les Lyon, elles sont pas mal. Ouais. Est-ce qu'elle rugit de plaisir le matin? Mais c'est trop sucré. Ah, c'est pas bon ça? Non, j'ai vérifié, c'est très mauvais. Ouais, mais bon, il faut aussi se faire plaisir. C'est un moment du matin où il faut quand même un peu de plaisir. Moi, ma mère, elle me forçait à manger des Weetabix. Ah, si, c'est bon. C'est celle avec le savon? Non, c'est celle vraiment, c'était un pain, on aurait dit un radeau. Tu sais, posé dans le lait, c'était une infection. Mais vraiment, c'est bon pour le transit. Oui, Clément. Dessus, c'était un vieux savant qui disait que c'était bon pour la mémoire et que t'étais meilleur en maths. C'est vrai. Ah non, je m'en rappelle plus, j'ai essayé d'oublier. C'est quoi votre céréale préférée? Tiens, Ludo, 39-16, salut. Salut Camille. Poto, tu peux acheter plus qu'une céréale jusqu'à la fin de ta vie, c'est quoi? Alors moi, c'est les Crustly aux pépites de chocolat. Oh, j'en mangeais tout le temps chez ma tante et après, quand j'habitais seul, j'en ai acheté. Les quoi? Crustly. Ah ouais, c'est bon ça. Ah, c'est très bon. Et moi, j'aime pas trop le chocolat, mais celles-là, elles sont très bonnes. Ah ouais. J'avoue. Aurélie, c'est quoi toi, ma chérie? Salut Camille, alors moi c'est les Frosties, j'adore mettre un peu le lait chaud en plus. Trop de sucre. À l'ancienne. Trop de sucre, mais trop bon. Trop de sucre, mais les meilleurs cadeaux souvent dans les Frosties. Ouais. Ah bon? Ouais. Ils avaient des très beaux cadeaux. À l'ancienne. Ah ouais. Puis en plus ça fait grossir. Parce que le tigre est en toi, donc ça fait. Avec deux personnes, du coup. Je rentre plus dans tes fringues, c'est une vraie galère. C'est une bonne vanne, ça. Marie, c'est quoi tes céréales préférées? Alors moi c'est les Miel Pops. Je sais. Ah, j'avoue, les Miel Pops, j'en ai mangé. Je crois que j'en suis écœuré tellement j'en ai mangé. Ah, mais j'adore, Clément. Tu te rappelles comme on était dégoûté quand on était petit parce qu'on choisissait pour les cadeaux? Quand des fois il y avait des paquets plus hauts avec plus 20% gratuit, mais du coup il n'y avait pas de cadeau. Et t'engueulais tes parents en disant mais il n'y a pas de cadeau. Oui, mais il y a 20% gratuit, mais il n'y a pas de cadeau. Il n'y avait pas le cadeau dedans, ça c'est dégueulasse. Oui, et Pauline au standard. Mais les Miel Pops, fallait faire attention parce que tu les laissais trop longtemps dans le lait, ça faisait des petites boules molles. Ouais, c'était dégueulasse. Ça pop, c'est moins quoi. Pyro. Par contre, elle crâle, alors on peut s'en coller sur le visage. Genre, on a des boutons. Ah oui, ça, c'est drôle. Non, mais ça marche. Ah, c'est drôle. Ah, j'ai un furoncle qui est sorti, c'est un Miel Pop. Ouais, bah ok, c'est mais bon. Oui. Merci de pas rentrer dans mon univers. Pyro, c'est quoi ta marque de céréales préférée, toi? Salut, poto. Salut à tous. Alors, moi, ma marque préférée, c'était les Crunch. Voilà. Ah ouais. Ouais, les tablettes chocolat, pour moi, c'est un petit peu trop dur. Alors, tu vois, le céréal, il passe crème, en fait. Vous savez ce que j'aime? C'est qu'il n'y a personne qui a le même avis que personne sur les céréales, mais qu'on en parle avec passion. Ça nous passionne, quoi. On est là, on se dit, ah ouais, mais attends, il y a ce délire-là. On a l'impression d'être des œnologues, vous savez, que moi, je connais rien en vin quand ils goûtent le vin. Nous, c'est un peu ça, mais sur les céréales. Erika, ta céréale préférée, c'est quoi, toi, ma chérie? Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, c'est les Coco Pops. J'adore le petit bruit que ça fait quand ils sont dans le lait, quand c'est super génial, j'adore. Eh ben, on va t'envoyer avec Marie, tu peux les collé au visage, ça te fait des points noirs. Oh, génial. Vous allez vous faire des week-ends, les filles. On va s'éclater. Merci à vous tous d'être si nombreux avec nous au 39-16 sur les réseaux sociaux. C'est ça, le Virgin Tonic. On fait cette émission à vos côtés chaque matin. Le pop rock électro, vous aimez aussi. Bon, Aloha, voilà ce qui arrive dans un instant. Je vous souhaite un bon jeudi. Un point sur l'actu, on revient. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il n'y a plus aucun département en alerte ce matin. Il va faire très beau aujourd'hui sur tout le pays. Ce sera même la plus belle journée de la semaine avant le retour des averses et des orages dès demain. 23 degrés sous le soleil cet après-midi à Paris, 25 à Lyon et 27 à Marseille. À la veille du coup d'envoi de l'Euro de football, la tension sociale reste importante. Encore des manifs aujourd'hui contre la loi travail et la poursuite des grèves à la SNCF avec un trafic toujours perturbé, les poubelles qui ne sont plus ramassées à Paris et certaines villes de province, ou encore dans le ciel avec la menace de grève à Air France et Météo France à partir de samedi. En ce moment, des manifestants bloquent l'un des accès au marché de Rungis à l'appel de la CGT. Les retraités sont également invités à descendre dans la rue. À propos de travail, une femme a été congédiée par son patron après plus de 150 CDD. 6 années à enchaîner les contrats précaires dans une maison de retraite de l'Ain et virée pour avoir osé demander un CDI. L'affaire passera devant le Conseil des Prud'hommes à la rentrée le 17 octobre. 7000 convives pour le dîner en blanc hier soir à Paris. Cette année, les participants ont posé l'argenterie dans les crins de la très chic place Vendôme. Installation en 15 minutes chrono, aucun incident à signaler. Les dîneurs ont quitté les lieux peu après minuit en emportant tous leurs déchets. Une semaine avant le bac, 8 jeunes sur 10 ont reçu hier une première réponse à leurs vœux enregistrés sur admission post-bac. 48% des vœux placés en première position ont été validés. Il y aura un tirage au sort pour les candidats de la filière des activités physiques et sportives. Les lycéens ont maintenant jusqu'à lundi 14h pour répondre à APB. Et puis une fois le bac en poche, il faudra se loger près du campus. Une étude de logservice.fr publiée par Direct Matin rappelle que le logement est la première dépense des étudiants à 595 € par mois en moyenne pour avoir un toit, 800 € à Paris contre 300 à Brest. À l'étranger, une attaque sanglante hier soir à Tel Aviv en Israël. 2 Palestiniens ont ouvert le feu au hasard sur des clients attablés dans des bars et des restaurants du quartier de Sarona. 4 morts, 5 blessés et des scènes de panique. Les auteurs des tirs ont été arrêtés. J-1 pour l'Euro de football. Vous le savez, la compétition débute demain par le match opposant la France à la Roumanie. La France qui gagnera l'Euro, d'après le journal L'Équipe ce matin. Le journal qui voit Paul Pogba comme l'une des grandes stars du tournoi. Les Bleus quitteront Clairefontaine aujourd'hui pour une nuit à Paris. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure Pauline Ginger, Nico et Clément. Bon réveil. Tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Vous êtes ici à la maison, on prend soin de vous entre 6h et 9h30 chaque matin, quelle que soit votre journée. Peut-être en pleine révision, peut-être déjà au travail, peut-être en train de vous occuper de tout le monde, de préparer le petit-déj, passer sous la douche. Nous en tous les cas, on est là à 6h, 9h30 avec Laure, avec salut. Clément, salut. Avec la popo du standard, bien sûr, avec la question de ouf. Là encore, c'est vous qui faites l'émission, hein. On écoute simplement tous les messages mortels que vous nous laissez voilà, tous les jours sur notre répondeur. Et puis juste avant de retrouver cette question de ouf, on est très à la bourre, mais c'est la news la plus importante du matin. La news la plus importante du matin. On part à Luxembourg, dans la capitale du pays. Un automobiliste a laissé sa voiture pendant 5 ans au parking souterrain du centre-ville. Wow. Et il a payé 50 000 €. C'était la news la plus importante. La question de ouf. Il les a vraiment payés? Il les a vraiment payés. C'est un malade. C'est incroyable. Je vous ai dit qu'on était un peu à la bourre. Ah bah oui. C'est parti, la question de ouf. Clément, c'était quoi aujourd'hui? On vous a demandé quel est le métier le plus improbable que vous ayez fait ou que vous connaissiez. Alors, quel est le métier le plus bizarre que je connaisse? Je pense que c'est créateur de mots croisés. En fait, c'est juste des mecs qui veulent s'amuser toute la journée. C'est pas un vrai métier, ça. Claqueur, en fait, c'est quelqu'un qui frappe dans ses mains à la demande. Comme ça, je vais pouvoir m'offrir ça quand je chante sous la douche. Facteur d'orgue. Non, c'est pas un mec avec une camionnette jaune qui livre des pianos, mais c'est celui qui les fabrique, en fait. Alors moi, le métier le plus bizarre que je connaisse, c'est proctologue. C'est quand même bizarre comme choix de métier, non? Agent de pré-accueil. Alors, c'est quelqu'un qui t'accueille pour aller au vrai accueil. Bientôt, on aura un pré-accueil du pré-accueil. Un jour, j'étais en vacances et j'ai vu une agence de producteurs de productivité. Bon bah, me demandez pas à quoi ça sert, hein, j'ai toujours pas compris. C'est bandeur. Et oui, vous imaginez pas comme moi ce que j'ai imaginé. En fait, bandeur, c'est tout simplement, après les poses de plaques de placo, la personne qui termine en posant les bandes. Question de ouf. Merci les amis de jouer le jeu chaque matin. Vous êtes des amours, on est sur Virgin et on écoute Mom tout de suite. Aloha, excellent réveil, bon jeudi à vous. Une équipe complètement à fond. Oui. Je vois leur attention, leur qui donne tout, oui. Qui prend le couloir droit. Évidemment, Clément qui ne lâche rien. Évidemment, allez, il est là, il est à la corde, il prend la roue. Pauline est complètement outsider. Elle est outsider, mais attention, je vais remonter de Pauline. Est-ce qu'elle va rattraper? Non, elle n'a pas le mental. Elle n'a pas le mental. Et Clément Bourdernier, bien sûr. Bienvenue à vous sur Virgin Radio. Personne n'a couru. On est très heureux d'être là, jeudi 9 juin. Je vous souhaite un bon réveil. Plein d'anniversaires aujourd'hui pour ce jeudi 9 juin. Ah, c'est l'anniversaire de Marty McFly, Michael J. Fox, le comédien. Oh, ouais. 55 ans aujourd'hui, Michael J. Fox. Oh. Johnny Depp, 53 ans. Oh là, il est fait. Ah, mais lui, on est fâché avec lui. Oh, aussi, il l'est fait. Oh, il l'est fait pas. Si, si. Oh, regarde les dernières photos. Et Stéphane Plaza? Ah, lui, il l'est fait pas. Quel âge? Je sais pas. Je dirais 38. 48. 44. Ouais, 46. Si vous avez entendu, ouais. Stéphane Plaza, elle me dit, il les fait pas. Il a quel âge d'après toi? J'en ai aucune idée. Mais il les fait pas. Non, mais quoi qu'il arrive. Et c'est l'anniversaire de Donald aujourd'hui. Ah, le personnage de Disney, il a 82 ans. Donald a été créé en 1934. Oui, Laure. C'est pas ça, Donald. Ah, tu le fais bien. Non, mais non. Ah ouais, en fait, je me rends compte que je le fais bien. Ah ouais. Non, non. Ah, moi, je le fais bien. Bah non. Ah, l'angoisse des gens qui pensent savoir imiter. C'est bon. Ouais. Non, on n'y arrivera pas. Ah, non, c'est pas non. Mal. Ah, c'est, franchement, t'es dur. Qu'est-ce que vous savez imiter? Tiens, on va vous demander aussi au 39-16. Non. Qu'est-ce que vous savez imiter, l'équipe, Clément? Non, qu'est-ce que tout le monde sait imiter? C'est Johnny Hallyday. Tout le monde sait. Crois ça. Ah ouais, les plus anciens font ah, que coucou. Les plus jeunes font oh, petit de mule. Et les gens normaux font ah, salut, c'est Johnny. Alors là, Clément, il triche un peu. L'équipe, je veux que vous me disiez, et vous aussi, tiens, en standard, tout le monde sait imiter quelqu'un. Au moins une personne ou croit savoir imiter. Mais je veux pas que vous nous disiez, bah c'est lui et vous faites l'imitation. Vous nous la faites et on doit deviner qui c'est. Ok. D'accord. Laure, t'es interdite Christina Cordula. D'accord. Non, parce que sinon c'est non, toujours la même. Elle l'a fait très bien, mais c'est toujours la même. Laure, je t'écoute. Bella. Christophe Maé. Bella. Elle a besoin de Bella. Ah, Maître Gims. Oui. Ah, c'est un peu Christophe Maé aussi. Hein. Non, Véronique Sanson. Non, de là-haut. Mais c'est pas du tout mais Maître Gims. Non, mais la voix, elle y est pas. C'est quand c'est... tu dis. Non, c'est plus Maître Yoda que Maître Gims. C'est pas possible. Oui, Clément. Non, mais c'est pas. Ça dépend des mots. C'est comme si je fais au revoir. On va se dire, ah, il fait super bien Giscard d'Estaing. Non, non, personne se le dit. Non, mais physiquement. Pauline, en l'instant dans ton imitation, je me mets à la place des gens qui sont avec nous au standard qui doivent être en stressés en mode pourquoi je les ai appelés. Vas-y. Mon précieux. Voilà. Ah, bah Gollum. Bah ouais, bah n'empêche que tu l'as trouvé. Bah ouais, pas mal. Bah il est pas mal franchement. Ouais, ça va, ça va. Pourquoi je suis le seul à défendre Pauline ce matin? Je sais pas. Pourquoi je suis le seul du côté de Pauline aujourd'hui? Ah, parce que Pauline c'est pas terrible son truc de Gollum. Bon c'est pas mal, vas-y Nico. Vas-y fais un truc. Écoutez, n'est-ce pas? Ah Jean-Marie Le Pen. Le Pen. Ouais. Mais parce qu'il y a n'est-ce pas, alors que là-bas avec une autre phrase on n'aurait jamais trouvé. Et vous savez ce qu'il va, où il va pour se détendre le week-end Jean-Marie Le Pen? Il va dans un spa. Un spa. Un spa bien-être. Tiens Florent 39-16, est-ce que tu sais imiter quelqu'un? Salut Camille, salut Patrick, c'est Patrick Bruel, salut. Non, c'est tellement pas Patrick Bruel. Moi aussi, c'est Patrick Bruel. Non, c'est Ramal. Vas-y, refais. Laure, t'es vache quand même. Ouais, c'est la meilleure imitation du matin. Hein. Vas-y. Vas-y, vas-y, refais-nous un peu de Patrick Bruel. Patrick Bruel, non mais en fait depuis que je fais Patrick Bruel, ma femme m'a promis de pas me donner rendez-vous dans 10 ans. Donc j'ai pas du tout. Pas du tout. Attends, et celle qui te juge, c'est quelle? Celle qui imite Donald? Tu peux nous faire Donald? Non, mais... Vous savez ce qu'on dirait? Un insecte qui s'est électrocuté, tu vois. Refais-le, là, refais-le. On dirait que c'est une conversation quand le téléphone, tu sais pas pourquoi il y a un robot au bout. Quand vous appelez votre mère ou quoi, et d'un coup, tu sais pas pourquoi on dirait que t'es, ça va pas. Attends, je te fais un autre truc. Non, non, non, non. Restez avec nous sur Virgin Radio. Laure n'imitera plus personne, mais on va continuer ça avec vous. On veut savoir qui vous savez imiter forcément quelqu'un. Tout le monde sait imiter quelqu'un. On en reparle dans un instant. Tu restes avec nous, Florent. Oui, je reste avec vous. Oh, Patrick Bruel. Oh là là, les amis, restez avec nous sur Virgin. Vous êtes les bienvenus. On a vraiment les meilleurs auditeurs de France. Sia, Cheap Reels, dans un instant. Et puis votre loyer à gagner dans 2 secondes. Un loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. 6h, 9h30. Virgin Tonic. Salut, c'est Camille Combal. Mardi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors vous allez me dire, ok, mais un don de sang, ça sert à quoi? Eh bien, ça sauve 1 million de malades chaque année. 1 million, c'est énorme. Et il n'existe aucun produit capable de remplacer le sang humain, donc il faut penser à donner. Et à donner régulièrement pour répondre aux besoins de tous les malades. Parce que la durée de vie des produits sanguins est limitée, que nous avons tous un groupe sanguin différent et qu'ils ne sont pas tous compatibles entre eux. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang, jedonnemonsang.net. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chaud. Qui veut des choux? Choux. Mais ça, c'était avant. Chouchou! Qui veut des chouchous? Des bons chouchous! Avec Chris l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. La cinquième vague. D'abord, ils nous ont coupé l'électricité. Ensuite, ils nous ont enlevé nos villes. Après, ils nous ont enlevé la vie. Ils se préparent pour la cinquième vague. Si la cinquième vague réussit, l'humanité sera rayée de la surface du globe. inévitable et fatal. La cinquième vague en Blu-ray, DVD, coffret collector et VOD. Avec Virgin Radio. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam. Oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé, mais c'est fini tout ça. Hier Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers, pose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Géant. Un esprit de liberté souffle sur votre budget. C'est le festival Vidstock chez Géant, avec des offres Peace and Love. Jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 30% sur une sélection de consoles de jeux. À vous la Xbox ou la PS4 à prix super cool. Rendez-vous vite dans votre Géant. Les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant. Avec Thibaut sur sa planche de bodyboard. Thibaut qui porte un short de bain Andaya de tribord. Oui, et qui n'arrive pas à réaliser un 360, une figure difficile. Mais heureusement, il va pouvoir s'entraîner tout l'été avec son short 100% polyester, très résistant à l'eau de mer. Et pourquoi pas impressionner les filles. Oui, pourquoi pas, mais... Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le short de bain Andaya de tribord à 3,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Et voici la sélection Beansport pour 7€ 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jos bien sûr et un Bruno Chéroux très motivé. Demain, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match 10 juillet. Vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, mais vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamines et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve. Offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Dans moins de 2 minutes. Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Et plus aucun département en alerte. Ce matin, c'est la plus belle journée de la semaine qui s'annonce avec du soleil sur tout le pays. À peine quelques averses possibles sur les Alpes. Vous aurez 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 19 à Lille, 21 à Beauvais, 22 à Chambéry, Valence et Nice, 23 pour Brest et pour Ajaccio, 25 degrés à Rennes, Nantes et Lyon, 26 à Bordeaux et à Marseille, 27 à Toulouse. La maximale 29 pour Nîmes et Montpellier. Demain, le retour des orages sur toute la moitié ouest et de la pluie à peu près pour tout le monde. Tout au long du week-end. Bon réveil! Virgin Radio. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62333. Message juste 35 centimes par SMS à coût d'envoi, service modéré et animé. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala. Il centre pour Ronaldo. Oh, superbe retourné acrobatique de Ronaldo. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec Beansport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et Beansport à 30€ par mois dans les offres Canal pendant un an. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à Beansport. Kungs au 88000, venez danser sur This Girl de Kungs versus Cooking on Three Burners. Envoyez Kungs, K-U-N-G-S au 88000, accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de Kungs en sonnerie. Kungs au 88000. Abonnement 3€ par semaine, DGP. Tous les dimanches, 20h, minuit, préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes de Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine... Hi, it's Zara Larsson on Virgin Radio. Zara Larsson. Nick Jonas. sont les invités de Lionel. Dans le Lab, Virgin Radio. Les meilleurs artistes pop, rock, électro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Et oui, c'est toutes les heures qu'on paye votre loyer. Vous le savez, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 pour vous souhaiter un très très beau réveil et surtout pour vous donner le sourire pour ce mois de juin. Vous remercie d'être si nombreux. On est 1 800 000 Français à se réveiller tous ensemble sur Virgin Radio. C'est énorme chaque matin. Et donc pour ça, on vous fait le plus beau des cadeaux. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit à gagner. Il y a une heure exactement, on a déjà eu une gagnante. On a déjà payé son loyer. Carole. Bien sûr, Carole, oui. Infirmière. Gentille comme tout. Et on espère que ça va continuer comme ça ce matin. C'est parti, deuxième tirage au soir de la matinée. Bonne chance à tous. Ça sonne en tout cas. Hein. Merci à toi, alors, vraiment, de ponctuer avec toujours beaucoup d'intérêt cette émission. Je t'en prie. Merci. Ça va être le répondeur, non ? Ah, c'est le répondeur, non ? Et là, alors, tu appuies sur le bouton, je fais quoi ? Ah bah tu raccroches. Eh ben voilà, merci à toi. Merci Laure. Elle nous fait la seule émission de radio pour les sourds et malentendants. Ouais. C'est pratique. Parce que du coup ils entendent. Bah oui, c'est une blague, Clément. Ah bon, merci à toi. Je vais te péter un bras. J'en peux plus de l'équipe. Moi je vous le dis, on est jeudi là. Je suis dans une ambiance, j'en peux plus. Oh non. Je peux la finir seule cette émission. Non, arrête. Bah, si. Oui, ma popo du standard. C'était Yves. Quoi ? Bah c'était Yves qui. Bon allez, vous sortez, je peux plus vous voir. Bah quoi, c'était... Allez, l'équipe, vous sortez, 5 minutes de prison. Allez, allez, allez, vous je sortez tous. Non, non, si, si, si. Oh, allez, ça commence. On n'en peut plus, je fais cette émission avec Robin. Ça concerne aussi Nico du bureau, fais pas genre, tu regardes non. Tes chaussures, toi. Allez, reste... Oh. Sort... Ginger aussi, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bah si, tout le monde. Je la fais plus qu'avec Robin, cette émission. Oh. Robin, t'es prêt ? Moi, je suis super chaud. Ça va être un duo, vous avez connu Chevalier et Las Palès. Vous avez connu qui ? Y a qui en duo ? Elie et Dieudonné, bah c'est parti maintenant. C'est Robin et Camille qui prennent le pouvoir sur Virgin Radio, vous restez avec nous. On va vous payer un prochain loyer à 8h20 dans une heure. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Et pour le moment, c'est Sia, Cheap Thrills. Excellent réveil sur Virgin. Hi, this is Sia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Bye. à vous, jeudi 9 juin, vous êtes dans le Virgin Tonic aujourd'hui. Virgin Tonic. Je vous souhaite une très très belle matinée. Merci d'être avec nous sur Virgin. On est là tous ensemble jusqu'à 9h30, pas 7h30, jusqu'à 9h30. Les amis, si vous nous suivez depuis un petit quart d'heure maintenant, sachez que l'équipe a été mise dehors. L'équipe est dans le couloir et on ne pouvait pas faire cette émission seule avec Robin, mon réalisateur. On a décidé de s'entourer. On a pris ce qu'on appelle l'équipe bis. L'équipe qui attend son tour. Tous les stagiaires de l'équipe sont là. Il y a Gabi donc qui va remplacer. Gabi, tu vas remplacer Laure. Oui, il faut ouvrir son micro. Il débute. Hein. Mais moi, c'était plus Nico du bureau. Ah non, toi, ce sera. Bah, elle veut choisir, elle déjà. Savoir, fois qu'elle est à la radio, elle choisit ses personnages. Florent, notre standardiste. Flo, ouais. Tu vas remplacer Clément l'incruste. Ok. Ok. Les blagues et tout, quoi. Et voilà. Et Loïc, notre stagiaire, tu vas remplacer Pauline du standard. Ah, bah, ça va pas trop être difficile alors. Non, mais ça va être assez facile. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'équipe bis. Les amis, c'est le moment de tout donner. Là, la France entière vous écoute. Et si vous êtes là avec nous, c'est vraiment, voilà, ils étaient pas prévenus, on allait les chercher partout. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs le matin, les gars? Bah, on traîne dans le bureau. Ah ouais, ok. Et vous bossez pas? Ah non, pas trop. Hein. Non, bah, ok, bon, super. Excuse-moi si on t'a dérangé, hein, tu nous dis. Les amis, on était avec vous en train de parler d'imitation. On cherchait le meilleur imitateur. On sait qu'on sait tous imiter quelqu'un. Et donc, je vais demander à Capucine. Il y a Capucine qui est avec nous. Ma Capu, bonjour. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette ambiance? C'est la première fois à la radio, vous êtes contents? Bonjour. Bonjour. Ah bah voilà. Bon, c'était pas prévu les amis hein. Alors on va essayer de savoir qui sait imiter qui. Tiens, ma petite Gabi, donc notre stagiaire qui remplace Laure, tu sais imiter qui toi? Stitch, dans Lilo et Stitch. D'accord, on connaît pas, merci, tu es beaucoup trop jeune. Alors vas-y. Bonjour Camille. C'est pas bon du tout. C'est un dessin animé. Oui, Disney. On a compris, on voilà. A compris. Merci à toi. Flo, tiens, du standard, qu'est-ce que tu sais imiter? Moi j'ai Charles Aznavour, moi. Vas-y. Et je vois la tête de tout le reste de l'équipe, ils sont dégoûtés. Vous avez vu comme ils cartonnent? Il est pas difficile votre métier. Hein. Tiens, Loïc, notre stagiaire, tu sais imiter qui? Homer Simpson. Alors toi, te complique pas. Tu sais quoi? Parle juste ouais. Normal et vous allez voir, c'est Thomas Gijol. Parle normalement. Ouais, mais alors à chaque fois, je sais jamais quoi dire. Ou Michel Denisot. Tu peux pas dire bienvenue dans le Grand Journal dans un instant, la boîte à questions. Ça va être trop long, mais bonjour, bienvenue dans le Grand Journal. Tout de suite, la boîte à questions. Ouais, c'est une catastrophe. C'est pas ça. Si Michel Denisot nous écoute, il a de belles années devant lui. Tiens, Robin, notre réalisateur, tu sais imiter qui? Alors, je vais pas vous dire, je vais le faire, il faut deviner. Vas-y. Laurent Ruquier. C'est très court, mais c'est très. Moi, je trouve ça pas mal. Mais c'est souvent les meilleurs. C'est souvent les meilleurs. Capucine, ma chérie, au 3916. Qui est-ce que tu sais imiter? Camille, enfin. Tu me reconnais pas? J'ai peur que non. C'est qui? Homer, rentre à la maison, je t'attends. Ah, c'est Marge. Ouais. Alors, oui, oui. Alors apparemment Loïc, notre stagiaire, sait faire Homer. Donc je te propose que vous fassiez une petite discussion entre vous. Attention les amis, c'est pas simple. C'est Marge Simpson et Homer Simpson. Capucine, je t'écoute. Homer, à quelle heure tu rentres à la maison? J'ai préparé le repas. Un donut. J'en ai fait tout plein, Homer. Je t'aime, j'arrive je tout t'aime de suite. Très fort. Je t'aime. Moi aussi. Je veux rajouter un personnage. Moi je sais faire le méchant. Lâchez les chiens, Smithers. Je sais faire que lui. Merci ma Capu, merci d'être là. Et merci aux stagiaires qui ont joué le jeu hein. Les amis qui ont remplacé l'équipe au pied levé. Restez avec nous sur Virgin Radio. On revient dans un instant. Apparemment on a quelqu'un au standard. Allô, qui est là? Allô, allô. On a quelqu'un au standard. Allô, allô, qui est avec nous? C'est Laurent. Salut, non, c'est Clément l'incruste ça. Ah mais non, c'est que je l'imite super bien. Allez, revenez dans le studio, merci. Loïc, Flo et Gabi, on est parti les copains. Un point sur l'actu et donc le son de Kungs qui débarque dans deux secondes, ne bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ce sera presque l'été aujourd'hui avec du soleil sur tout le pays, à peine quelques averses possibles sur les Alpes, mais un grand ciel bleu partout ailleurs. Un mercure à 22 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 23 à Paris, 25 à Lyon, 27 à Bordeaux, 29 à Nîmes. Encore des difficultés aujourd'hui sur le réseau ferroviaire, le mouvement social se poursuit à la SNCF et le trafic reste perturbé, notamment dans les TER. La CGT promet aussi un durcissement de la grève du ramassage des poubelles qui déborde déjà à Paris. Risque actes de grève aussi pour ce week-end à Air France et Météo France. Encore des manifs aujourd'hui contre la loi travail et celle des retraités. Un pays en pleine pagaille sociale à la veille de l'euro. Bienvenue en France, titre le Parisien, à l'adresse des touristes du monde entier. Après les Champs-Élysées, la place de la Concorde ou la pyramide du Louvre ces dernières années, le Dîner en Blanc 2016 s'est déroulé hier soir place Vendôme à Paris, sous les fenêtres du ministère de la Justice et des boutiques de maroquinerie. Quelques 7000 convives, toutes de blanc vêtues, qui ont quitté les lieux peu après minuit sans incident. À l'étranger, deux Palestiniens ont semé la terreur hier soir dans un quartier animé de Tel Aviv. Ils ont ouvert le feu sur des clients attablés dans des bars et des restaurants, faisant 4 morts et 5 blessés. Les deux auteurs de l'attaque, originaires de Cisjordanie, ont été arrêtés. Google redevient la marque la plus chère du monde, valeur estimée de 229 milliards de dollars, en hausse de 32% en un an. Google repasse devant Apple. La première marque française reste Louis Vuitton à la 30e place devant L'Oréal, Hermès et Orange. Parmi les nouveautés jeux vidéo de la semaine, la sortie hier de Phoenix Furia, une boule de poils agressive déterminée à débusquer celui qui a détruit son village. C'est à télécharger sur PS4 et Xbox One. Sortie aussi de Mirror's Edge Catalyst sur Xbox One, PS4 et PC. Toujours dans la peau de Faze, qui combat un état totalitaire. Et puis la sortie demain de Sherlock Holmes The Devil's Daughter, les nouvelles aventures du détective britannique plongé dans un Londres victorien très immersif. Plus d'infos gaming avec Jeux Vidéo Magazine. J-1 donc avant le coup d'envoi de l'Euro de football et pour lancer les festivités, un concert géant et gratuit ce soir au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Dès 20h55, plusieurs artistes comme Will.i.am et Louane et à 23h, un grand show de David Guetta. Soirée retransmise en direct sur TF1, une soirée qui se déroule dans la fan zone parisienne prévue pour accueillir 92 000 personnes. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil les amis. C'est le réveil à vous tous qui nous écoutez. Ça y est, l'équipe est de retour. Oh là là, j'adore les stagiaires. Alors vraiment, les stagiaires de l'équipe, ils sont très très très doués. Je les adore. Mais quand même, je suis heureux de vous retrouver, l'équipe. C'est là que je me rends compte, j'aimerais pas être sans vous le matin. Laure, Clément, Pauline sont de retour. Ginger sur les réseaux sociaux aussi. Bon, la tuile, c'est Nico du bureau, qui sa place. Également, on fera avec Kungs qui arrive dans un instant pour le pop rock électro. C'est comment dans le couloir, Clément? J'ai pris la place des stagiaires, j'ai bossé, je suis épuisé. Tout de suite, c'est le réponse à tout. Bon réveil à vous. Tonique. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Et le meilleur quand même, si vous n'étiez pas avec nous, je me tourne vers Loïc, notre dernier stagiaire en plus. Ouais. Et je lui dis, mais vous faites quoi le matin? Il fait, bah, on traîne dans le bureau. C'est pas beau la radio. Il est très honnête. Mais il est honnête, c'est pas beau la radio. Les amis, avant le jeu du Xylomane, pour vous faire gagner peut-être un séjour en Guadeloupe d'une valeur de 5000 euros, tout de suite, réponse à tout. Et j'ai demandé aux enfants quel était leur tatouage préféré pour quand ils seront grands, évidemment. J'aimerais me faire de tatouage, je ferais juste une toute petite étoile sur l'épaule, pas plus. Sincèrement, j'aurais pas de tatouage. Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas beau. C'est un point méga giga hyper méga ultra, ultra microscopique. T'aimes pas les tatouages, toi? Voilà. Moi, je ferais un cœur avec le nom de mes enfants et un bracelet fin sur la cheville. T'as des enfants? Non, mais quand je serai plus grande. Moi, ce serait un grand dragon bleu dans le dos, parce que j'aime bien le bleu. Moi, j'aimerais avoir un tatouage aussi avec un arc-en-ciel. Moi, ce serait comme le vaisseau dans Star Wars. J'aimerais avoir deux tatouages. Un tatouage avec un petit chaton et un tatouage qui me donnerait des super méga pouvoirs magiques. Bon, bah moi, ce serait des militaires, des trucs, le sang, voilà, le truc... Je réponds, mon cher copain, je trouve que des militaires, c'est pas vraiment une bonne idée. Le réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Merci de jouer le jeu. Chaque jour, c'est dans une heure exactement que vous retrouverez à nouveau réponse à tout avec deux nouvelles questions et deux nouvelles réponses. Oui. Kungs is Girl, bon réveil, le Virgin Tonic avec vous jusqu'à 9h30. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Aujourd'hui, excellent réveil à vous tous sur Virgin. Pardon. Hey. Tu t'étouffes. Et qu'est-ce que t'as mis dans tes tartines, Laure? Bah, rien, du cyanure, tiens, reste. Ouais, mais je suis allergique à la coriandre, il n'y a pas de coriandre dans cette confiture. Non, mais t'es pas allergique au cyanure. Non, mais. Cyanure, c'est un poison, hein, les enfants. Hein. Ne jouez pas avec chez vous. Je vous en trouveriez, mais en tout cas, ne jouez pas avec. Les amis, soyez les bienvenus sur Virgin. On tente de m'empoisonner, mais je suis là, droit comme un œil, avec vous chaque matin, 6h, 9h30, et avec toute l'équipe. Et des cadeaux magnifiques à vous offrir, vraiment. Là, en vous inscrivant au 3916, vous allez peut-être gagner une GoPro. Et en plus, vous êtes automatiquement inscrit pour le grand tirage au sort pour le séjour en Guadeloupe qu'on offre demain. Lundi, on a une personne qui a été tirée au sort, c'est Aurélien. Mardi, c'est Céline. Hier, on l'a pas fait, on était là à matinée avec tous les enfants, le Kids Tony qui a retrouvé un podcast d'émission, mais on s'est éclaté à la faire. Et donc aujourd'hui, dernier tiré au sort. Ça veut dire une chance sur trois de repartir avec un séjour d'une valeur de 5000 euros. Mais pour ça, il faut d'abord gagner ce jeu. Jingle! Moitié homme, moitié Xylo. Il vient jouer sur Virgin Radio. Xyloman, Xyloman, héros de l'univers. Eh oui, il défend la veuve et l'orphelin avec son xylophone, bien sûr. Ce petit instrument que vous attendez, dont personne ne joue au-delà de 5 ans. Eh bien vous, vous savez tout rejouer avec votre xylophone. C'est bien ça, Xyloman? D'accord. Pourquoi le changement? Alors, allez voir toutes les images, hein, tout est filmé bien sûr sur notre Facebook, notre Twitter. Pourquoi le changement de perruque aujourd'hui? De couleur. Ah, bah d'accord. Bon, on embrasse les laboratoires Schwarzkopf, ouais. Apparemment. Et les laboratoires Garnier, il n'y a pas de souci, Xyloman, ne m'engueulez pas. Séverine est avec nous au 3916. Salut la Séverine. Salut le Camille. Ma chérie, tu viens d'où? Alors, je viens de Saint-Quentin dans l'Aisne. Saint-Quentin dans l'Aisne. Et est-ce que ça te dirait de repartir avec un séjour en Guadeloupe et une GoPro? Évidemment. Évidemment. Un séjour en Guadeloupe. Ben, je te le souhaite, ma chérie. Pour ça, c'est très simple. Le beau temps s'est installé. Xyloman a mis sa crème à bronzer, va interpréter des tubes de l'été. Version xylophone, si tu en reconnais au moins deux, c'est gagné pour toi, d'accord? Ok, ça roule. C'est parti, Séverine. Et l'équipe joue aussi parce que tube de l'été, c'est jamais ça. Okay. On l'aidera un petit peu, Séverine. C'est parti. Premier extrait Xyloman. La France est à vous, bien sûr. Ah ouais. Ah, il est bon quand même. Ouais, ouais. Il est bon. Hein. Ma Séverine, est-ce que tu as trouvé? Alors là, absolument pas. C'était facile. Hein. Attends, il y avait la Corée. On peut lui chanter. Ah oui, oui. Non, c'est la Macarena, Séverine. Ah, mince. J'ai fatigué de la connaître. J'en sais plus, j'avais 6 ans. C'était facile quand même. Hein. On y retourne, attention. Bonne chance, Séverine. Xyloman, deuxième extrait d'un tube de l'été version Xylo. Se calme. Oui, je l'ai sur le bout de la langue. Et toi-même. Tu parles pas comme ça de ma mère, Xyloman. Je te dis tout de suite, ok? Ça a rien à voir. Je veux dire, c'est mon oncle. Ils ont toujours été proches. Alors, on est sur quoi? Je l'ai sur le bout de la langue. Eh oui, mais ça va pas suffire, ma chérie. C'était Alan. Wes. Oh non. Tu sais quoi, il nous reste deux extraits, t'as plus le droit à l'erreur ma chérie. Là il faut que tu trouves les deux. On y va, extrait suivant, Xyloman, c'est à vous. Séverine. Non. Si un jour on fait un jeu où il faut refredonner ce qu'on vient d'entendre, t'es sûr de. Ouais, je sais, mais alors je les connais toutes par cœur, mais alors leur nom abracadabrantexte de l'été, je ne. C'est non, facile là quand même. Je vais te le dire, tu vas me dire c'est évident. Ouais. C'était Paris Latino. Oh là là, Paris Latino. Et vert sur vert de Cuba Libre. Allez, Georges Alain, vas-y. Ouais, la Starac. Et oui, la Starac avait rechanté ça. Je suis désolé, c'est perdu, ma belle. Ouais, bon, mais tant pis. Oh là là. En tout cas, je suis super contente de vous avoir eu au téléphone. Bah, t'es un ange. Alors, je vais te faire quand même un très beau cadeau. Tu sais quoi? Je vais t'offrir la GoPro. Non. Wow. Si, je t'offre la GoPro et c'est un cadeau. Camille, t'es un amour. C'est un très très beau cadeau, mais malheureusement, je peux pas t'inscrire pour la Guadeloupe parce que sinon, ce serait pas équitable pour les autres. Donc, ça, je peux pas. Mais je te rassure, ma belle, déjà, la GoPro, je te l'envoie avec grand plaisir. C'est au top. Je t'embrasse fort, ma Séverine. Des bisous à tous. Bisous à toi, ma belle. Merci pour ton sourire. Merci, Xyloman, d'être avec nous aussi le matin. On s'écoute Mika, Staring at the Sun. Excellent réveil à vous. Salut, c'est Mika dans Virgin Tonic. Watch the sunset, hold it from afar, close as I get to being where you are. Cette mélodie, je la chante partout pour qu'elle te poursuive. Je rappelle à nous. Here I stand, staring at the sun. Distant the land, staring at the sun. You're not there, why do we share the same one? Je suis là, devant le soleil. Loin de toi, devant le soleil. Je le tiens dans mes mains. Ton réveil. Et je me fous d'être seul au monde, de finir fou quand il est second. Tant que j'ai le soleil, wow. Tant que j'ai le soleil, tant que j'ai le soleil, wow. Rays of light through your window on your tired eyes. Dans cet enfer, notre amour souple, par du même feu qui l'a ébloui. Here I stand, staring at the sun, distant land. Staring at the

Ladies and gentlemen, we are ready to start up. Synapson. Salut, c'est Synapson sur Virgin Radio. Vous allez l'entendre partout. Yeah, yeah, going down. Mais la première radio qui vous l'a joué. C'est Virgin Radio. Yeah. Radio, on est là, bientôt 8h, bientôt un point sur l'actu. Je vous souhaite un excellent réveil. Vous qui êtes sans doute déjà au travail, déjà sur le chemin, sur la route. J'espère que tout se passe bien pour vous. D'autres sont encore à la maison en tous les cas. Si vous avez envie de soulager votre conscience, eh bien c'est maintenant les amis. Puisque on va vous faire entrer dans l'abbaye du pop rock électro. Jeudi confession. Que vous ne le savez peut-être pas, mais juste à côté des studios de Virgin Radio, il y a le père Don Camillo. Avant d'y aller, je vais me raser quand même. Hop, voilà, on se fait beau. Petit coup de sèche-cheveux. Et un petit peu de parfum. Pas trop, voilà. T'en mets toujours trop. C'est bon. Xavier, t'es avec moi ou pas? Ouais, bonjour mon père. Salut, non, moi je suis que l'enfant de cœur, hein, tu sais. Ah, l'enfant de cœur. J'étais bonjour, en train de me faire beau. Je te laisse frapper, il y a le père Don Camillo qui t'attend derrière cette porte. Entrez! Entrez mes aïeux, mes brebis égarées. Bonjour, eh oui, mon père. Oui, je parle avant que la porte s'ouvre. Mes brebis égarées sur l'autoroute de la bonne conduite. Comment va l'équipe? Bonjour, bien bon, mon père. Ça va, mon père. Bonjour, mon père. Bonjour. Dites-moi alors, je vous ai vu voler quelques hosties la semaine dernière. C'est possible. C'est possible. Mais bien. J'ai laissé de l'argent dans le petit panier. Enfin, je vous. Oui, on a compris. Bien sûr. Comment il va le petit Clément? Ah, il est en grande forme. Il est en grande forme. Ah, il est en très grande forme. Il est de plus en plus mignon celui-là. J'ai mis du parfum. Avant l'été. Oui, parce qu'il n'y en a que pour Gaëtan, toujours l'enfant de cœur. Je suis là. Gaëtan. Alors, si vous nous suivez chaque semaine, Gaëtan, oui. C'est mon enfant de cœur. Ah, oui. Cette semaine. Cette semaine, il a quel âge? Mais c'est ça surtout qu'on se demande. Il a 13 ans. 13 ans. Oh, belle croissance. Ah, ouais. Grandit vite. Ah, ouais. C'est Actimel, ça. Ah, ouais. 9, 13, c'est énorme. Ça passe vite, hein. En une semaine. Ouais, ça va très vite. Et je vais vous dire, la foi a ses raisons. Que Gaëtan ignore. Pourquoi ça arrive? Bon, je suis content de vous voir. Alors, le petit Clément? Ah, bah, il est en grande forme. Il est venu avec Xavier parce que Xavier a fait une bêtise. Il voulait vous en parler. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Vous allez être pardonné, Xavier. Enfin, j'espère. On va écouter Xavier avant le péage. Le bisou, Clément. D'accord. Hop, bisou, smack. C'est le péage. C'est horrible. Xavier? Oui, bonjour, mon père. Vous êtes dans l'abbaye du pop rock électro. Si, Avenir à vous. Ah ben j'ai venir à vous. Super. Quelle est la petite erreur que vous avez faite? Vous avez envie de soulager votre conscience. Vous avez frappé à la bonne porte. Ah bah justement, il s'agit de frapper les portes. Je suis facteur et sur ma tournée, en fait, j'ai une cliente qui est super jolie, super mignonne. Une fois, elle m'a ouvert en usette et depuis, à chaque fois que j'ai un colis, j'avoue, je monte et je m'acharne sur la porte jusqu'à temps qu'elle ouvre, même s'il n'y a pas besoin de signature. Oh bah écoutez, les avantages. J'allais vous dire, en vrai, évidemment qu'on va vous punir. Évidemment, parce que quand même, c'est moche. Vous êtes marié, Xavier? Chut, reste mon père un petit peu, oui. Attention, c'est pour voilà, c'est le plaisir des yeux aussi. Ah, mais après, tout à fait. Ça fait partie. On est d'accord, il y a rien eu du tout. C'est juste pour. Rien du tout. Plaisir des yeux, voilà. Ça, c'est voilà, plaisir des yeux. Et puis, ça fait partie des quelques petits avantages des métiers, forcément. Eh ben voilà. Bah oui. Laure, oui, mon enfant. Chaque métier a ses avantages, mais tu te calmes, Xavier, quand même. Ouais, non. Oui, Pauline, du standard. Parce qu'après, ça peut être du harcèlement si t'embrouines vraiment beaucoup sur la porte. Mais non, je t'embrouine pas à ce point, non, ça va. Ça reste calme. Je sens quelqu'un de posé. Ouais. Par Xavier. Oui, mon petit Clément. Oui, mon père. Viens plus près, toi. Oui, je suis là. Non, mais si vraiment ça peut. J'entends pas, t'en parles trop loin. Je disais, si vraiment on peut éviter d'être tenté, je peux peut-être aller livrer à sa place si monsieur nous donne l'adresse. Ah, bah voilà. Pourquoi pas. Ça arrange tout le monde. Xavier, l'important, je veux dire, c'est que vous ne trompiez pas votre conjoint. Bah oui. Ah non, ça c'est. Ça c'est important. Après, voilà. Si vous voulez, un petit plaisir des yeux, pardon, je suis un garçon. Ah oui, c'est oui, pas bah méchant. Oui. C'est ça pas fait... méchant. Allez, vous nous ferez quand même un Madonna. Ouais. Vous me réciterez aussi un Mika. Ah, ça pique, ouais. Un Sia. Oui. Ouais, aïe. Et un Amir. Oh, okay, d'accord. Ah ouais. Bah, écoutez, ah ouais. Je l'ai mérité, j'ai mérité. Vous pouvez commencer tout de suite. Ouf. Je suis désolé, je suis un peu obligé d'hausser le ton, mais sinon on peut pas tout laisser passer non plus dans l'abbaye du pop rock électro. Qu'est-ce que vous avez, Laure ? Donc frapper à une porte, ça n'est pas tromper. Bah non. Pas quand c'est son métier qu'on a des choses à livrer. C'est comme sur Facebook, poker n'est pas trompé, frapper une porte n'est pas trompé. Ok, je le note. Oh là là. N'est pas trompé non plus. Quelle vieille école celle-là. L'église, c'est rock maintenant. Je savais pas mon père. Bah attendez, mais vous croyez quoi là ? Ça y est, on est rock maintenant, nous, hein. Bah nous, c'est plus du vin rouge, nous, on transforme l'eau en rêve vodka Red Bull. Ah ouais, on est là, bam. Il y a David Guetta qui est venu mixer au Bénitier, il y a pas une semaine. Oui, Clément. Je me posais la question, Xavier, elle est pardonné au nom de quoi en fait ? Au nom du pop ? Du rock. Et de l'électro. Et de l'électro. Bien. Merci mon Xavier. Ah, c'est Gaëtan, c'est en fin de cœur. C'est Gaëtan, ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est acheté une tronçonneuse. Ah, mais pourquoi ? Pour faire de la sculpture sur glace, mais bon, il se lance au mois de juin, c'est pas grave. Ah ouais. Ouais, c'est embêtant. Ouais, surtout à la tronçonneuse. C'est pas la meilleure saison, quoi. Ouais. Pose ça, c'est du mélange. Non, mais vous y tenez en plus à la croix avec le monsieur dessus, là. Ah non, okay. Non, merde, vous êtes trop loin, les gars. Ouais. On en a plein. Allez, Xavier, je t'embrasse très fort. Merci d'avoir été avec nous, les copains. Merci d'être là chaque matin, plus nombreux. 21 Pilots, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro dans 2 secondes. Ne bougez surtout pas. Pop rock électro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, quelques averses et coups de tonnerre sur le sud-est et la Corse, mais sinon ce sera du soleil sur tout le reste du pays au fil de ce qui sera la plus belle journée de la semaine avant le retour des orages dès demain sur la côte ouest. 23 degrés cet après-midi à Paris et 27 à Marseille. Attention, si vous avez un train à prendre, ce matin la grève des cheminots se poursuit, trafic perturbé notamment pour les TER. Autre mouvement de grève qui devrait prendre de l'ampleur, celui du ramassage des poubelles, tandis que les pilotes d'Air France menacent toujours de cesser le travail à partir de samedi, tout comme les prévisionnistes de Météo France. Et alors que de nouvelles manifs sont prévues aujourd'hui contre la loi travail, mobilisation également des retraités. La France exprime son soutien à Israël dans la lutte contre le terrorisme. François Hollande condamne l'odieux attentat commis hier soir à Tel Aviv. Deux Palestiniens ont ouvert le feu sur des clients attablés dans des bars et des restaurants du quartier de Sarona. 4 morts, 5 blessés. Les deux auteurs des tirs ont été arrêtés. 2 hommes originaires de Cisjordanie. Il y aura un tirage au sort pour les futurs bacheliers souhaitant poursuivre leurs études en filière STAP, les activités physiques et sportives. Ce ne sera pas le cas en revanche pour les étudiants en première année de médecine en Ile-de-France. Résultat des premiers réponse de vœux sur admission au post-bac. Les lycéens ont jusqu'à lundi pour confirmer. Et une fois le bac en poche, il faudra se loger près des campus. Une étude de logservice.fr publiée par Direct Matin rappelle que le logement est la première dépense des étudiants. 595 euros par mois en moyenne pour avoir un toit. 800 euros à Paris contre 300 à Brest. Les jeunes qui préfèrent vivre seuls en studio plutôt qu'en colocation. 7000 convives pour le dîner en blanc hier soir à Paris. Cette année, les participants ont posé l'argenterie dans l'écrin de la très chic Place Vendôme. Installation en 15 minutes chrono, aucun incident. Les dîneurs ont quitté les lieux peu après minuit en emportant leurs déchets. Un nouveau concurrent pour Twitch et YouTube Gaming, Facebook a noué un partenariat avec Blizzard Entertainment pour diffuser en live streaming des parties de jeux vidéo sur le réseau social. Overwatch sera le premier jeu à être doté de la fonction baptisée Go Live.

time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Salut à tous et bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio. Virgin Radio. Jeudi 9 juin aujourd'hui, et si vous avez raté l'émission d'hier, vraiment allez la voir en podcast, la voir jeudi parce qu'on a des vidéos, on a aussi bien sûr les podcasts comme chaque jour sur iTunes. Et voilà, c'était une matinale, c'était le Kids Tonic en direct avec 50 enfants. Génial. On a passé un moment formidable. Encore merci aux parents qui ont accompagné leurs enfants, vous tous qui nous avez écoutés. L'équipe, ça va? Oui. L'équipe, je viens d'apprendre un truc, ça m'a donné une idée. Vas-y. Oui, c'est quoi? Alors là, vous étiez pas prêts, vous aussi, tiens, au 3916, préparez-vous, je vais vous demander des devoirs maintenant. Oui. J'ai découvert que c'était quand même. Tout à l'heure, on a souhaité les anniversaires de tout le monde. Je suis passé à côté de l'anniversaire de Nathalie Portman. Oh là, quelle est belle. Jeudi 9 juin, 35 ans aujourd'hui, Nathalie. Elle est canne. Elle s'est à côté de moi. Ça aurait été en français, ça aurait dû être moi, ce gars-là. Ouais. Pourquoi? Hein? Pourquoi ça aurait dû être toi? T'aurais dû faire danseur d'opéra. Ben ouais, je suis passé à quoi? Pas mal de choses près. Ça fait partie d'un de mes idéaux. Et donc, je me suis dit, on va faire un truc très sympa. Chacun, on va créer son idéal. Et vous aussi, hein, au 39-16 et sur les réseaux, réagissez, dites-nous, on en lira plein. Votre idéal, c'est-à-dire, on différencie tête, corps et le petit truc en plus. Ah. Alors, je sais, voilà, l'équipe là, je vous prends un peu au dépourvu. Mm-hmm. Clément, c'est un garçon, en principe, il devrait avoir tout de suite ça la réponse. Y est, j'ai, direct. Moi, j'ai, hein. Moi, j'ai. Ouais, donc, moi visage de ma petite Nathalie Portman. Mm-hmm. Ok. Ouais. Ensuite, on a. Le corps de Emily Ratajkowski. Ah oui, de Robitique là. Robitique qui est dans le clip. Oh. Incroyable. C'est le fan de sa poitrine. Et le petit truc en plus, les blagues de Florence Foresti. Ouais, pas mal. Ouais. Ok. Humour de Foresti, Macha qui est déjà magnifique, mais alors vraiment Nathalie Portman, elle me fait craquer, elle me fait complètement craquer. Et cette jeune fille là, Emily Ratajkowski, qui je sais nous écoute tous les matins, elle est d'Isère, hein, à Grenoble, la cuvette, on l'embrasse. Et donc voilà, ça ce serait mon idéal. Clément. Le tien, réfléchissez, attention l'équipe. Ouais. Et vous aussi au 39-16. Je vais adorer ce jeu, ce sens. Clément. Je l'ai mieux, viens par là chérie. Regarde, je te présente ma femme. Le visage de Nathalie Imbruglia. Ah très belle, I'm already torn. Incroyable. J'adorais, j'adorais. Donc le sourire, les yeux, tout ça. Le corps, c'est celui de un visage, on sait ce qu'est un visage, Clément, merci. Non, mais globalement, le visage de Nathalie Imbruglia, les yeux, le sourire, tout ça. Le corps de Sophie Marceau. Oh, quelle est belle, Sophie Marceau, mais l'élégance, quelle est belle. La manière de se déplacer. Magnifique. Et le petit truc en plus, elle a l'accent de Monica Bellucci. Oh là là, ça c'est ouf. Mais c'est la bonjour Clément. Mais c'est pas Monica Bellucci. Mais non, elle fait bonjour Mambo Clément. Mais non, elle fait pas ça. Ah ouais. Tout est suave. Très très beau. Ouais. Attention, tiens, on va demander tout de suite à une fille quand même. On va demander à Laetitia. Laure, elle prend le truc tellement sérieux, elle est en train de noter sur un papier. Non, je suis pas d'accord. Non, en fait, je vais trop loin sur celui-là. Je suis impatient de découvrir l'idéal donc masculin des deux filles de l'équipe. Ouais. Laetitia, ma chérie, quel est pour toi l'homme parfait ou la femme parfaite? Décris-la moi. On choisit un visage, on choisit un corps et on choisit un petit truc en plus. Le petit plus Pediglioni, bien sûr. Ma Laetitia. Salut tout le monde. Salut Laetitia. Salut. Alors moi, ce serait la tête de DiCaprio. Ah ouais, beau gosse, bien sûr. Le corps de Florent Manaudou. C'est marrant, je pense qu'il y a un peu de chance qu'on me choisisse pour le corps. Pour le reste, non plus. Et le petit truc en plus, la voix de Patrick Bruel. Ah oui. Ah là là. Alors attends, on fait un récap. Donc on a la tête de DiCaprio. Ouais. Sur le corps de qui? Florent Manaudou. Florent Manaudou. De Florent Manaudou, d'accord. Ah, c'est pas mal quand même. Ah, hein. C'est pas mal, hein. Et donc le petit truc en plus? La voix de Patrick Bruel. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Non, le gars, il gagne les Jeux Olympiques ou il gagne le championnat d'Europe. Ah, je suis trop content. J'ai vachement assuré sur la nage papillon. C'était super. Je vous laisse, faut que je trouve Aviator. Oui, Clément. Je suis pas sûr parce que DiCaprio est pas grand. Ça va faire une petite tête sur un énorme corps. Ça va être chelou quand même. Il est pas grand. Il est grand, DiCaprio. Bah, par rapport à Florent Manaudou, il va avoir une petite tête. Ah, ouais. Ah oui, ah, bah, peut-être, oui un peu. Forcément. Et par rapport, mais par rapport à Passe Muraille, il est grand. Ouais. Tu prends des gars aussi. Tu prends un gars de 7 mètres. Il dit, bah, non, par rapport à un chêne de Milan, il est pas très grand, hein, DiCaprio. Bah non, forcément. Oh là là là là, ce Clément, il l'aime pas, DiCaprio. C'est mon idole absolue. Ouais. Mon idole, mais on sent qu'il y a de la petite jalousie. Les amis, restez avec nous. 39-16, dites-nous quel est votre idéal masculin ou féminin. Pauline, Laure, réfléchissez. Laure, on en est à deux feuilles à quatre. Remplis pour trouver l'exactitude. Restez avec nous sur Virgin. Le temps d'écouter Ibaki, Tori Sochai. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes ici chez vous, dans le Virgin Tonic. Et on vous paye en loyer. Loyer 7-12-13 par SMS. Dans un instant, bougez pas. 6h, 9h30.

y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duo Time, le temps d'être deux est venu. Vous êtes seul, célibataire, séparé, divorcé? Appelez le 08 92 05 04 03 pour faire la rencontre que vous attendez. Avec Duo Time au 08 92 05 04 03, rencontrez la personne qui vous fera rire, qui vous fera confiance et qui vous aimera et que vous aimerez. Duo Time au 08 92 05 04 03. Vous ne serez plus jamais seul. Euphonie à 34 centimes la minute. Cet été, faites une cure de pop, rock, électro. Virgin Radio, partenaire du Festival Musilac. Sur les bords du lac du Bourget. À Aix-les-Mains, respirez l'air frais de The Avenir. James. Synapson. Louise Attaque. Joseph Salvat. Ou encore Ratatat. Lily Winning the Prix. Le Festival Musilac. Les 8, 9 et 10 juillet prochains. À Aix-les-Bains. Info et réservations, point de vente habituel et virginradio.fr. Le Festival Musilac. Un événement. Virgin Radio. Tous les matins à 8h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Bon réveil à vous sur Virgin Radio, merci d'être avec nous les amis, 8h20, passé de quelques secondes à peine, on est là avec vous et chaque matin on veut payer votre loyer, on sait que c'est un moment extrêmement important pour vous et vous êtes très nombreux à vous inscrire et nous c'est sincèrement hein, vraiment un de nos moments préférés de l'émission parce qu'on sait qu'on vous file un bon coup de main pour ce mois de juin, on sait que c'est un gros service que Virgin Radio vous rend toutes les heures, plus de loyer, plus de mensualité de crédit pendant un mois, il suffit de vous inscrire par SMS, loyer au 7 12 13, on y va. Troisième tirage au sort de la matinée, que des gagnants pour le moment. Je vous souhaite bonne chance à tous. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, qui est là? C'est Aubery. C'est Aubery? Oui. Aubery, ça s'écrit comment? A-U-B-E-R-I-E? Ouais, c'est ça. Ah, je connaissais pas ce prénom, Aubery. Masculin de Aubert. Ah oui, voilà. Je ne sais pas non plus Aubert. Je connaissais pas Aubert, je connais la marque pour les enfants, c'est un magasin puériculteur. Oui. La station Aubert-Camp aussi. Oui, bah, à Paris. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert aussi, voilà. Exactement. Voilà. Mais tu dis Aubert. Aubert. Je connaissais les taxis, Aubert, j'appelle les Aubert. C'est pas Aubery. Ma chérie, tu viens d'où ma belle? De Lille. D'accord, très bien. Et donc, tu fais quoi dans la vie? Je suis kiné. Ah très bien. Et est-ce que je peux te demander quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Oh, là, là, là, là, là. Oh, je suis heureux de te faire ce cadeau. Oui, Aubery, ma belle, il est de combien ton loyer? 750. En plus, j'ai dit une grosse bêtise il y a une heure. Yves n'a pas décroché. Oui, et on a eu un perdant il y a une heure. Excusez-moi, vous avez raison de me le dire sur les réseaux. À 6h20, Caroline, on lui a fait un chèque. On te fait un chèque maintenant, Aubery. On est quasiment à 2000 euros de loyer déjà offert. Et il reste un tirage à 9h20. Inscrivez-vous. Loyer au 7, 12, 13. Aubery, je peux te poser une question? Ouais. Tu veux créer ton idéal masculin ou féminin, ce que tu veux. Tu peux choisir la tête de quelqu'un de connu, le corps de quelqu'un de connu et le petit truc en plus de quelqu'un de connu. Tu choisis quoi? Alors, la tête de... De Brad Pitt. Ah, on est bien. Eh oui, Brad Pitt, oui. Parce qu'il vieillit, vous lui laissez plus sa chance. Quoi? Il est beau, Brad Pitt. Ah, la chance, ça y est. Il est beau. On prend le corps le de qui? Corps. De Brad Pitt. David Beckham. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Et le petit truc en plus de Camille Combal, voilà. Oh, oh okay. Ça s'appelle l'aftershave, ma grande. Aubery, je te remercie mille fois de nous écouter chaque matin. Je te fais des gros bisous. Merci à vous. Et merci à toi. Pour... On est très heureux de te faire ce cadeau. Il reste un tirage, je vous l'ai dit. Et on continue ça. Hein. Okay. Créez votre idéal masculin au féminin. La tête, le corps et le petit truc en plus de quelqu'un, les amis. On revient dans un instant, le temps d'écouter Imani dans Be So Shy. Tonic. Take a breath. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless Christmas, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my stick, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Race so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my cologne, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Très très belle matinée, j'espère que tout va bien pour vous. Dans un instant, un point sur l'actu. Bien sûr, dans un instant, le retour du Réponse à tout de Clément Lincruz. J'espère que ça va, vous qui êtes peut-être dans les bouchons en train de déposer vos enfants à l'école, l'équipe est là bien sûr. Yay. Et alors, on n'a pas encore la réponse des filles, on est dans un grand jeu. J'adore ce jeu. Quelle est la célébrité que tu aimerais créer? C'est-à-dire, vous choisissez une personne pour la tête, une personne pour le corps et le petit truc en plus de quelqu'un, le petit charme en plus que vous pouvez prendre chez quelqu'un d'autre. Clément, j'en ai un qui fait pas fantasmer mais qui serait drôle: la tête de Didier Deschamps, le corps de Shakira et la voix de Mickey. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ce serait pas mal à créer, t'imagines? Le déhanché de Shakira qui a fait de Deschamps et qui parle comme Mickey. Bah quoi? La tête de Didier Deschamps sur le corps de Shakira, c'est magnifique. Alors on a Johan qui est avec nous. Bonjour Johan. Salut les amis. Johan, sois bienvenu. T'aimes les filles ou les garçons? Les filles. Alors crée-nous ta femme parfaite, mon bichon, avec trois stars: la tête, le corps, le petit truc en plus. Alors pour moi, il faut qu'elle ait la tête de Marine L'Orphelin, ancienne Miss France. Oh, qu'elle est belle, je crois que c'est une des plus belles, la brune. Elle est belle. Magnifique, ouais. Elle est très belle. Ensuite, il faut qu'elle ait le corps d'Adriana Carambeu. On aime les grandes. Ouais. Ah, j'aime les grandes, ouais. Et puis le petit truc en plus, le petit grain de beauté de Marilyn Monroe. Et Cindy Crawford aussi. Sexy. Ah ouais, c'est beau ça. Ah ouais. Et moi aussi, mais c'est moins payant. Ah si, c'est joli sur les garçons aussi. Ah ouais, mais moi j'ai une barbe rousse qui couvre tout ça, évidemment. Oh là là, il se met bien en valeur celui-là. Maëlys, tiens, est avec nous. Bonjour Maëlys. Oui, hello l'équipe. Salut. Maëlys, ma belle, à ton tour. Johan vient de créer son fantasme absolu. À toi de créer ton homme ou ta femme parfaite. Alors, mon homme parfait, moi je voudrais la tête de Johnny Depp. La tête de Johnny Depp, ok. Ah ouais. Le corps de Baptiste Diabiconi. Ah bah ouais, le mannequin. Ouais. Voilà. Et les mimiques de Jim Carrey pour marrer un peu quand même. Ah bah ouais. Voilà, donc c'est sexy, musclé et drôle. Sexy, musclé et drôle, c'est pas mal. C'est tout moi. C'est vraiment la description, c'est vraiment moi. T'as le drôle, toi, c'est bien. J'ai encore. C'est bon, les abdos, on verra. On peut bosser sur le reste. On n'a pas demandé non plus aux filles de l'équipe, attention, Pauline, ton idéal masculin. Alors, la tête de Jude Law. La tête de Jude Law. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, pas boss. Le corps. C'est le seul à qui, plus il perd des cheveux, plus il est beau gauche. Ça lui va très bien. T'as raison. Et alors, pas le corps, parce qu'il sait pas se tenir, celui-là. Donc, Jean Dujardin pour le corps. Mais Jean Dujardin, il a pas encore incroyable. Non, bah, non, normal. Mais ouais, mais moi c'est ce que j'aime. Enfin, il a des formes et en même temps, il a encore, c'est un vrai homme quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, ok. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on part plus sur du Florent Manaudou quoi. Mais Jean Dujardin, pourquoi pas. Moi, j'aime pas les gros muscles. Puis c'est danser les claquettes depuis les artistes. Et voilà, c'est ça. Ça met l'ambiance, très bien. Et l'humour d'Edouard Baird. Ah génial. Ah ouais. Et là, je passe des soirées de fou. Ah bah là, tu t'éclates. Oh là, tu te marres. Et alors, je vais prendre celle vraiment qui s'est pris le plus au sérieux, c'est Laure. Vraiment, elle a fait un tableur, elle a appelé ses amis pour savoir si vraiment c'était le bon choix ou quoi. Et alors, Laure, attention, on dirait qu'elle passe le bac. Ton fantasme absolu en trois points, tête, corps et le petit truc en plus. Si on trouve tout chez le même mec, on peut pas. Non, il faut vraiment trois personnes différentes. Ah oui, d'accord. Bah, toi, serais Juju, toi. Tête de Juju, corps ah non, de Juju, bah, le petit truc Bradley, en plus. Tu vois. Ah bon, ouais, okay. Apparemment, tout chez Bradley Cooper. Ok, alors on y va, on t'écoute. Alors moi, l'idéal, ce serait, bon, les yeux de mon mec quand même. Je suis obligée. Ah. Donc le visage de ton mec. Les yeux. Oui, ah bah non, oui, on prend le visage, on prend tout. Le visage de mon mec, le corps de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir, c'est bon, c'est beaucoup trop vieux pour vous comme référence. Non, mais son corps aujourd'hui. Pas du tout. Je vais chercher sur internet. Oh, les références. Ouais. Ok. Mais il est beau le corps, hein, je peux te dire. Et le petit truc en plus. J'aimerais bien qu'il ait la voix de la doublure française de Bruce Willis. Ouais. Hippie-caillé, moi. J'adore cette voix. Michel Poivet. Ah ouais, Patrick Poivet. Patrick Poivet, ouais. Ah, j'adore cette voix. Ah ouais, c'est une voix incroyable. Ça, ce serait le petit truc en plus. On n'y avait pas pensé, t'as raison, la voix, c'est important. Je pense qu'il pourrait me faire beaucoup rire avec cette voix. Oh là là, Ginger sur les réseaux. Ouais, moi j'ai la tête d'Harrison Ford, mais dans Star Wars ou Indiana Jones, tu vois, cette période-là. Ouais. Tu vois. Bah, c'est sa période, quoi. Oui. Non, mais pas aujourd'hui. Enfin, ah oui, parce qu'il fait toujours Star Wars et Indiana Jones, c'est important. Ouais. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ok, bah, précise, parce qu'il fait des films qu'il fait toujours. C'est vrai, il y a 20 ans. Le physique de Chris Pratt, tu vois, qui c'est le mec qui joue dans Jurassic World. Dans Jurassic World, qui joue aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. Oh là là, ok, très bien. Tellement beau. Et les chorégraphies sexy de Channing Tatum. Parce que lui, il a un déhanché, attention, tu vois. Et lui, il a été découvert dans Sexy Dance. C'était un truc, un truc de danse, ouais, comme c'est ça. Tellement bien. Tease, machin. Okay. Là, moi, j'ai encore de Chris Prowl, c'est ce que c'est. C'est parce que ça peut s'émietter à tout moment. Merci quasiment, mon club. C'est avec nous sur Virgin Radio. Et si on s'écoutait Pink? Ouais. J'en ai des bonnes idées parfois, vous voyez. C'est Pink qui arrive pour le pop rock électro. Bon réveil, un point sur l'actu, on revient. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou, qui veut des choux? Chou. Mais ça, c'était avant. Chouchou, qui veut des chouchous? Des bons chouchous. Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ce sera presque l'été aujourd'hui avec du soleil sur tout le pays, à peine quelques averses possibles sur les Alpes, mais un grand ciel bleu partout ailleurs avec un mercure à 22 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 23 à Paris, 25 à Lyon, 27 à Bordeaux et Marseille, 29 à Nîmes. Et encore des difficultés aujourd'hui sur le réseau ferroviaire. Le mouvement social se poursuit à la SNCF et le trafic reste perturbé, notamment du côté des TER. La CGT promet aussi un durcissement de la grève du ramassage des poubelles qui déborde d'ailleurs déjà à Paris. Risque de grève aussi pour ce week-end à Air France et Météo France. Encore des manifs aujourd'hui contre la loi travail et celle des retraités. Un pays en pleine pagaille sociale à la veille de l'euro. Bienvenue en France, titre le Parisien à l'adresse des touristes du monde entier. Après les Champs-Elysées, la place de la Concorde ou la pyramide du Louvre ces dernières années, le dîner en blanc 2016 s'est déroulé hier soir place Vendôme à Paris, sous les fenêtres du ministère de la Justice et des boutiques de maroquinerie. Quelques 7000 convives, tous de blanc vêtus, qui ont quitté les lieux peu après minuit sans incident. À l'étranger, deux Palestiniens ont semé la terreur hier soir dans un quartier animé de Tel Aviv. Ils ont ouvert le feu sur des clients attablés dans des bars et des restaurants, faisant 4 morts et 5 blessés. Les deux auteurs de l'attaque, originaires de Cisjordanie, ont été arrêtés. Google redevient la marque la plus chère du monde, valeur estimée de 229 milliards de dollars, en hausse de 32% en un an. Google repasse devant Apple. La première marque française reste Louis Vuitton à la 30e place devant L'Oréal, Hermès et Orange. J-1 avant le coup d'envoi de l'Euro de football et pour lancer les festivités, un concert géant et gratuit ce soir au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Dès 20h55, plusieurs artistes comme Will.i.am et Louane, et à 23h, un grand show de David Guetta. Soirée retransmise en direct sur TF1, une soirée qui se déroule dans la fan zone parisienne, prévue pour accueillir 92 000 personnes. Les Bleus, eux, disputeront demain soir le match d'ouverture de cet Euro 2016 face à la Roumanie, vous le savez. Ils s'entraîneront dès ce soir 18h30 au Stade de France. Les Bleus qui vont gagner l'Euro d'après le journal L'Équipe. Didier Deschamps a choisi Dimitri Payet pour accompagner Olivier Giroud et Antoine Griezmann en attaque dans le 4-3-3 habituel. Et puis un nouveau concurrent pour Twitch et YouTube Gaming, Facebook a noué un partenariat avec Blizzard Entertainment pour diffuser en live streaming des parties de jeux vidéo directement donc sur le réseau social. Overwatch sera le premier jeu à être doté de la fonction baptisée Go Live. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Les amis, merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic. On est plus en plus nombreux chaque matin à être là. Je vous le dis sur les réseaux sociaux, on le voit, bien sûr, on lit tous les messages au 3916, on voit le nombre d'appels qu'on reçoit, mais même on le sent derrière le micro chaque matin, on sent que vous êtes à nos côtés, ça nous fait extrêmement plaisir d'être là et pour ça on a un très beau cadeau à vous offrir, bien sûr. On n'a pas eu le temps de le faire hier, mais comme on s'est engagé à le faire tous les matins, ben on l'a fait deux fois ce matin. Deux gagnants pour le Axbot Festival, la plus grande, grande soirée de tout l'été. Ce sera à Nice du 4 au 6 août avec Breakbot, avec Lilywood and the Freak, avec Feder. On vous offre le trajet jusqu'à Nice, l'hébergement et bien sûr l'accès VIP à toutes les soirées. Inscrivez-vous. Blind test dans un instant. Et oui, un blind test, une seule des deux personnes gagnera. Ça se passe au 39-16, on prendra une fille et un garçon. Le Virgin Tonic tout de suite avec le réponse à tout de Clément. Tonic. Réponse à tout. Et vous le savez, hier on a fait le Kids Tonic avec une cinquantaine d'enfants. Oh, c'est génial. C'était génial. Et j'ai demandé aux enfants quel était pour eux le meilleur moment de la matinée. Ton moment préféré de ce matin, c'était quoi? Quand je suis partie à Virgin Tonic. Ce matin chez toi? Oui. Ah, c'était mieux que l'émission? Non. Ah d'accord, mais ton moment préféré dans l'émission? C'était quand on se faisait maquiller. Toi, c'était quoi ton meilleur moment? Quand t'as arrosé avec les pistolets. Il y avait de la peinture dans les pistolets. Toi, t'étais comme ça. C'était quoi ton moment préféré? Au moment des détecteurs de mensonges. Alors, toi, ton meilleur moment, c'était quoi? Tout. Tout? Qu'est-ce que t'as bien aimé, toi? Bah, quand on faisait les détecteurs de mensonges. Pourquoi? Parce que on apprend des vérités. Quand on t'a arrosé avec les pistolets, avec la peinture. Moi, c'était tout. Mais surtout là, quand t'as arrosé aussi. C'est quand vous êtes arrivé. Ah, pourquoi? Bah parce que je vous aime bien. Le réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Merci à vous tous les amis d'être avec nous. C'est jeudi aujourd'hui, on est avec vous jusqu'à 9h30. Le Virgin Tonic, votre partenaire minceur. Ouais, ouais. Ouais, quasi, ouais, je sais quasi. What's up, this is your pinkness. Virgin Radio. Just like Friday. Tonic. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. If I can let the world up for just one day. Watch this madness, full of charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire. To laugh at you cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing. About a thing. No. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up with just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one. do it with ease. You just gotta believe. Come on, come on with me. Just like fire burning up the way. If I could light the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like fire. C'est jeudi aujourd'hui, le 9 juin, soyez les bienvenus. Les amis, je vous souhaite beaucoup de courage à vous qui êtes peut-être encore à la maison, mais je sais nombreux déjà dans les transports, en voiture, on dépose les enfants, on part au boulot, on est de tout cœur avec vous en tout cas. Et pour le moment, on va accueillir deux personnes puisqu'on va jouer ensemble, peut-être pour vous offrir, attention, vos places pour la plus grande soirée, le Axbot Festival à Nice du 4 au 6 août. Pour ça, deux personnes s'affrontent au blind test. Jingle, et je vous les présente dans un instant. Virgin Tonic, blind test. Blind test sur Virgin Radio. Eh oui, c'est le blind test, les amis. Ce matin, on a Inès qui est avec nous. Bonjour Inès. Salut Camille, salut tout le monde. Bonjour. Salut ma belle, tu viens d'où? Je viens de Lille. De Lille, très bien. On est ravis de t'entendre. Tu es calée en blind test? Je vais essayer, ouais. Écoute, on va peut-être t'envoyer à Nice, tout frais payé, pour partir sur le Axbot Festival. Et face à toi, ce matin, attention, il y a Gaël. Salut Gaël. Gaël, tu m'entends? Alors, on va essayer de te mettre dans un endroit où on t'entend mieux. Je vous cache pas que Gaël a été tiré au sort, donc on va absolument le faire gagner, oui, forcément. Bah oui. Mais ça va faire bien deux minutes qu'on n'arrive pas. Ça coupe, ouais. ça revient. Gaël est un petit peu en galère. Apparemment, il est passé ses choches. Inès, ma chérie, on commence avec toi. Attention, 30 secondes pour toi, pour essayer de reconnaître le maximum de morceaux. Tu te sens prête? Ouais, je suis prête. T'as le droit de faire autant de propositions que tu veux. Dès que t'as la bonne réponse, on passe à la chanson d'après. Et en revanche, tu peux passer aussi autant de fois que tu veux. On y va? Ok, c'est marrant. Bonne ouais. chance, 30 secondes, le blind test pour le Axbot Festival. Parce qu'on vient de loin. Et le chanteur? Corneille. Ah, très bien. Allez, c'est les chanteurs, allez. Chihuahua, le chanteur, Chihuahua. Je sais pas. Allez, je te l'accepte, Chihuahua. Non. DJ Bobo. On passe. Passe. Ah mince, c'est trop tard. C'était Ellie Goulding. Ah oui. Et alors tu vas t'en vouloir parce que t'as pas reconnu, je suis sûr que tu le connaissais, c'est Miley Cyrus. Ah oui. Merci, on aime bien l'artiste original. Hein. Merci pour la reprise chaque matin, Laure, mais on aime bien Miley Cyrus dès le matin. The Cover avec Laure, bien sûr. Attention. Bravo quand même, ma chérie. Hein, 2 points, DJ Bobo et Corneille. Ça te fait 2 points. C'est pour le moment le record qu'on ait jamais eu dans ce blind test de 30 secondes. Et face à toi ce matin, donc, est-ce qu'on a récupéré Gaël? Salut Gaël. Oui, je suis la Camille. Ah, ça y est, on t'entend bien, poteau. Tu viens d'où? Alors, je viens de Marseillan dans l'Hérault. D'accord, ok, bah, il faut en rajouter une antenne relais près de chez toi. Ah ouais, désolé. C'est vrai qu'on n'est pas trop super bien desservi. Ouais. Non, surtout pour toi, on a eu peur que tu puisses pas participer, mon Gaël. Peut-être pour toi, tes passes pour le Axbot Festival en 30 secondes. Le maximum de bonnes réponses possibles. N'hésite pas à passer vite si t'as pas la réponse. On y va? Allez, c'est parti, on y va. C'est parti, si tu nous rejoins tout juste, Gaël, comme tu captais pas bien, Inès a fait 2 points, c'est à toi. 2 points, ok. Si t'as pas passe. Je passe. C'est un bateau qui mène au pays des rêves. Je passe. On passe. Hey Lily, raconte-nous. Lily Allen, on y est. Ah non, ça j'ai pas. On passe. Oh En jazz de cure, non. Non, je... non. Eh non, le premier, écoute bien. C'était... Alors, pardon, Peps. Donc ça, c'était le deuxième. Ouais. Le tout premier, c'était Pink. Ah oui, mais oui, Peps. Mais oui, oui. Pink, ensuite Peps, ensuite Lily Allen, tu l'avais. Ensuite, on était sur du Shakira, mon pote. Mais ouais, Shakira. Mais... Oh, ça va trop vite, les blindes. C'est horrible. Ouais. En 30 secondes, c'est horrible. En 30 secondes, c'est très dur. Et on avait un groupe qu'on adore sur Virgin Radio, un groupe de Nantais, les Pony Pony Run Run. Ah oui, en plus, ouais. Gaël, ça fait qu'un point. C'est Inès qui gagne ce matin. Bravo. Ah là là là là là là. Inès, alors je suis heureux, vraiment. Un séjour pour deux personnes. Pour le Axbot Festival en VIP du 4 au 6 août pour applaudir Feder, Breakbot, Cassius, Lilywood and the Freak. Mais alors je suis un peu triste, forcément pour Gaël qui est quand même à travers la fenêtre de sa salle de bain accroché à un poteau pour essayer de capter. En plus j'ai un bras en l'air, j'essaie de faire en train de rouler avec mes ongles mais. On va quand même te faire un beau cadeau mon Gaël, merci d'avoir participé. Inès, félicitations. Et rassurez-vous, hein, si comme j'en vois le nombre d'appels qu'on reçoit, si vous aussi vous rêvez d'être sur ce Axbot Festival pendant cet été du 4 au 6 août, et bien il y a encore des places à gagner demain. Et tout de suite, c'est Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Excellent réveil à tous. Hey, this is Mike Posner, and you're listening to Virgin Radio. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Sad souls, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. Of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. Tous les amis, merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi. Un dernier loyer à 9h20, vous le savez. L'équipe qui est là, bien sûr. Oui. Et alors, l'équipe, on est tous à fond aujourd'hui puisque

side, looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, jeudi 9 juin aujourd'hui. J'espère que tout va bien dans votre vie. J'espère que ce mois de juin a bien démarré, que cette journée va être belle pour vous. En tout cas, nous, on est très heureux d'être là, 6h, 9h30 avec Laure, avec Clément. Bonjour. Avec la popo du standard, avec l'actu qui arrive dans un instant, bien sûr. Un dernier point à 9h comme tous les matins. Et puis encore plein de choses qui arrivent dans l'émission. Mais pour le moment, il y a un grand moment. Ouais. Ouais. On va vivre un grand moment en direct sur Virgin Radio. Il y a 2 ans, on a mis pour la première fois les pieds dans ce studio. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce studio s'appelait le studio Indochine. Il s'appelle toujours, jusqu'à présent, le studio Indochine. Indochine, un groupe formidable, hein, évidemment, qu'on adore. Ils sont venus à l'inauguration, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ils sont le 5 mars 2014. 2014, ouais. Ils sont venus, voilà, ça a été fêté. C'est quand même une fierté, on est dans le studio Indochine, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Mais on s'est dit, 2 ans, ça suffit. Il est temps de faire la place aux jeunes. Faire la place aux vestons en cuir. Faire la place aux petits gilets de serveur. Et la semaine dernière, on a reçu alors un groupe, c'est pas des amis à nous, c'est comme des frères. On les adore, on les suit tout le temps, c'est les gens les plus gentils de la Terre. C'est les Superbus qui étaient avec nous vendredi dernier. Il y avait Jen et Patoche, les deux fondateurs du groupe. Et ils nous ont pas pris au sérieux, on a dit tiens, on va appeler ce studio, le studio Superbus, on va le renommer. Et Jen nous a dit, Jennifer Ayash nous a dit, vous savez quoi, vous devriez carrément l'appeler le studio Patoche. Eh bien, en direct sur Virgin Radio, vous allez vivre tout de suite l'inauguration puisque Patoche est avec nous au téléphone, on peut l'applaudir. Salut tout le monde. Patoche, t'es venu vendredi pour la sortie de l'album. Alors l'album c'est Six Tape, le tout dernier. Ouais. Tout à fait. Et je sais pas si tu nous as vraiment pris au sérieux, mais sache que on a sorti toute la pancarte. Il y a plaque. Une plaque. Préviens Nicolas Sirkis, on le vire du studio dorénavant. Le studio dans lequel on officiera tous les matins s'appellera. Merci, bonsoir Nicolas. Joyeuse Pâques, à l'année prochaine. Nicolas Sirkis. Et alors voilà, on met vraiment la photo là sur les réseaux. Dorénavant, le studio sera le studio Patoche. Et nous sommes très fiers de ça. C'est énorme, c'est énorme. C'est avec beaucoup d'émotion que j'accepte ce prix. Je suis extrêmement touché. Est-ce que t'as déjà eu un studio à ton nom, même un studio locatif? Jamais. Mais jamais. Surtout pas Studio Patoche, quoi. Oh là là, Studio Patoche de mais Superbus. Ouais. Et alors, allez voir la photo vraiment qu'on a pris de Patoche avant qu'il quitte Virgin Radio. Elle est magnifique. C'est Popeye avant de manger des épinards. C'est ça. Elle est magnifique. Oui, Pauline, c'est au standard. Faudrait peut-être une petite plaque explicative, parce que les gens au début risquent d'être waouh, qu'est-ce que c'est? Qui est Patoche finalement? Mais c'est qui, quoi? Non. Ouais. Tout le monde connaît Patoche et je vais vous dire un truc. Patoche, je m'y suis engagé et je le ferai aussi. Tout le monde va connaître Patoche maintenant. Tout le monde va connaître Patoche puisque merci quand même. Merci Camille, hein. Je suis resté Patrice pendant très longtemps et je crois que là c'est grillé. Non, c'est fini, quoi. Maintenant t'es Patoche à vie et je vais vous dire un truc, il faut l'expliquer. Par exemple, on est la radio officielle de Muse. Muse, à chaque fois qu'ils viennent à Paris, ils nous font le plaisir de venir faire un concert ici. On a eu Lenny Kravitz cette année. On a eu des groupes formidables qui sont venus. Et bah dorénavant, ils viendront, ils s'assieront et feront leur interview dans le studio Patoche. Ouais, c'est génial. Et ils fermeront bien leur gueule, les collègues. Tu dis quoi, mon Patoche? Une petite convocation, 9h du matin, studio Patoche pour les Micravis. Voilà. C'est génial. Je vais contacter ma maison de disques et je vais leur dire de me rendre mon contrat. Je vais prendre ma retraite maintenant. En plus, t'as tellement raison. Genre, la maison de disques de Robbie Williams, ils vont être à Paris, ils vont dire Where is the interview? Où est l'interview? Ils vont faire c'est en studio Patoche. Studio Patoche. C'est génial. En américain, quoi, studio Patoche. Oh, mais c'est génial. Hugo du bureau. Est-ce qu'on pourrait mettre la panneau de signalisation port du gilet obligatoire ou pas quand on rentre dans le studio aussi? On peut même fournir un petit fascicule avec différents modèles de gilets adaptés en fonction de l'événement, si tu veux. Gilet du matin, gilet du soir. Parce qu'il faut savoir que Patoche, je vois un culte à Patoche depuis des années, parce que chaque fois qu'il est venu avec les groupes Superbus, il a toujours fait l'effort, parce qu'il sait que ça me fait rire, de mettre un petit gilet de serveur sans manche par-dessus. Et alors, je m'y suis engagé, j'ai pas fini ma phrase, mais je vous le jure. Patoche, je te demande, au nom de toutes les équipes de Virgin Radio, de nous donner un de tes gilets qu'on mettra sous verre dans une vitrine dans le studio. Je peux faire ça, je peux faire ça. Je compte sur toi et Nico du bureau a raison, on mettra pour du gilet obligatoire et on mettra l'historique de ton gilet dans le studio. Je veux une vitrine avec le gilet de Patoche de Superbus. C'est magnifique. Mais non quoi, le gars est connu pour s'appeler Patoche et mettre des gilets. 20 ans de musique. Oui Clément. Oui, je suis le maire de Virgin Radio. Est-ce qu'on peut procéder à la plaque si vous le donnez. Tout d'abord, merci à Patoche. Merci à vous d'être venu. On est ravis de mettre cette plaque sur une porte, puisqu'une porte, il y a une poignée. Une poignée, qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir? On donne un coup de main. Et Superbus, ça a avant tout et toujours été des coups de main à l'image de Patoche. De plus, c'est une porte, ça s'ouvre. Superbus nous a ouvert sur le monde de la musique. Voilà, ouais. Merci à mes collaborateurs d'avoir écrit ce petit discours. J'avais encore un petit doute. Si là, lui, il n'est pas franc-maçon, c'est un franc-maçon. Si ça, c'est pas un vrai discours de franc-maçon. Oh, Patoche. Il est franc-patoche, je l'ai surpris. Le mouvement des francs patoches. Les amis, c'est officiel. Le studio Virgin Radio désormais s'appelle le studio Patoche. C'est là qu'on fait l'émission. Tu peux dire à Jen de Superbus qu'on a tenu notre engagement. Je crois qu'elle va être très contente et très fière. Mais j'en suis sûr. Et puis je vous rappelle, et parce que vraiment c'est des amours et qu'en plus ça défonce, l'album Six Tape, vous pouvez le retrouver, c'est leur tout dernier. Et ils seront bientôt en tournée à partir du mois d'octobre dans toute la France. Patoche, on t'applaudit, bravo. Bravo. C'est le patron des soucis. Je t'embrasse Patoche. La grosse bine, amusez-vous bien. Excusez-moi. Salut poteau, merci à toi. Oui Clément. Il y a un buffet? Ça reste Virgin Radio quand même, hein. Mollo mollo quand même, hein. Les amis, restez avec nous, on revient dans un instant. On va parler avec vous musique. Ah oui, les copains. On va parler avec vous musique pour une raison simple. Je voudrais remercier notre petite. Comment s'appelle-t-elle? Lucille, excusez-moi, oui. Je ne retrouvais plus son message sur Messenger. Lucille m'a envoyé sur le Facebook. La chanson sur laquelle les gens font le plus l'amour d'après Spotify, ce serait Dirty Dancing Time of My Life. Ah ouais. Eh bien, vous savez quoi? L'équipe et vous tous qui nous écoutez, je compte sur vous au 3916. Dites-nous sur quelle chanson vous ne pourriez pas faire l'amour. Ah. La chanson qui vous couperait toutes les envies, quoi que ce soit. On en parle avec vous dans un instant. Vous nous appelez vite, le temps de les mettre de côté, qu'on les rentre dans la bécane, hein, dans la bécane du studio Patoche. Et c'est Alan Walker qui va arriver pour le pop-rock électro. Excellent réveil à vous. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, des averses et des coups de tonnerre sur le sud-est et la Corse, mais sinon ce sera du soleil sur tout le reste du pays aujourd'hui, au fil d'ailleurs de ce qui sera la plus belle journée de la semaine avant le retour des orages dès demain par l'Atlantique, 23 degrés cet après-midi à Paris, 27 à Marseille. Et attention, si vous avez un train à prendre ce matin, la grève des cheminots se poursuit, trafic perturbé notamment pour les TER. Autre mouvement de grève qui devrait prendre de l'ampleur, celui du ramassage des poubelles, tandis que les pilotes d'Air France menacent toujours de cesser le travail à partir de samedi, tout comme les prévisionnistes de Météo France, et alors que de nouvelles manifs sont prévues aujourd'hui contre la loi travail, mobilisation également des retraités. La France exprime son soutien à Israël dans la lutte contre le terrorisme. François Hollande condamne l'odieux attentat commis hier soir à Tel Aviv. Deux Palestiniens ont ouvert le feu sur des clients attablés dans des bars et des restaurants du quartier de Sarona. 4 morts, 5 blessés. Les deux auteurs des tirs ont été arrêtés. Deux hommes originaires de Cisjordanie. Il y aura bien un tirage au sort pour les futurs bacheliers souhaitant poursuivre leurs études en filière STAP, les activités physiques et sportives. Ce ne sera pas le cas en revanche pour les étudiants en première année de médecine en Île-de-France. Résultat des premières réponses de vœux sur admission post-bac. Les lycéens ont jusqu'à lundi pour confirmer. Le château de Ravel touché par un incendie, le monument historique du XIIe siècle qui avait servi de décor au film Les Choristes, est situé dans le Puy-de-Dôme. Un tiers du bâtiment a été endommagé. Les 80 pompiers mobilisés ont réussi toutefois à préserver les œuvres présentes dans l'édifice. On ignore encore les causes du sinistre. 7000 convives pour le dîner en blanc hier soir à Paris. Cette année, les participants ont posé l'argenterie dans l'écrin de la très chic place Vendôme. Installation en 15 minutes chrono, aucun incendie. Les dîneurs ont quitté les lieux peu après minuit en emportant les déchets. Un nouveau concurrent pour Twitch et YouTube Gaming, Facebook a noué un partenariat avec Blizzard Entertainment pour diffuser en live streaming des parties de jeux vidéo sur le réseau social. Overwatch sera le premier jeu à être doté de la fonction baptisée Go Live. J-1 pour l'Euro de football. Vous le savez, la compète débute demain par le match opposant la France à la Roumanie. La France qui gagnera l'Euro, d'après le journal L'Équipe ce matin. Les Bleus quitteront Clairefontaine aujourd'hui pour une nuit à Paris. Ils s'entraîneront ce soir à 18h30 au Stade de France. Dimitri Payet sera titulaire demain aux dépens d'Anthony Martial qui débutera sur le banc. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure Pauline, Ginger, Nico et Clément. Bon réveil, belle journée. Excellent réveil à vous tous, merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic, on est là jusqu'à 9h30 pour deux raisons simples. La première, c'est un énorme kiff d'être avec vous chaque matin 6h-9h30 du lundi au vendredi et même dès 5h avec le warm-up de notre petit Robin qui est là avec nous. Et ouais, dès 5h on est là en direct à vos côtés pour ceux qui se lèvent très tôt et puis aussi parce qu'on vous paye un loyer à 9h20. Évidemment, un dernier très beau cadeau, depuis qu'on est arrivé sur Virgin, on a voulu rajouter ce rendez-vous, ce tirage au sort pour vous faire plaisir. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire et vous passerez en direct sur l'antenne comme Pauline du Morbihan. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Alan Walker qui arrive pour le pop rock électro dans un instant. Tiens, bah typiquement, transition toute faite, ce sera un morceau difficile pour faire l'amour à la nourriture. Ah, ouais, oui, là, c'est... Hein, ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est un c'est peu trop crunchy, rapide. Non? Ah, bah, il peut y avoir des petits changements de rythme. si c'est trop rapide, ça peut me correspondre. Ah oui, c'est pas marrant, ouais. Parce qu'on parlait avec vous il y a un instant, je rembrasse encore Lucille, hein, et merci à vous tous pour vos messages. Lucille qui m'a laissé un message Facebook en me disant que la musique sur laquelle, dans le monde, on fait le plus l'amour, visiblement, c'est celle-là. Alors, j'allais pas vous demander quelle est la chanson sur laquelle vous aimez bien faire l'amour. Je préfère vous demander une chanson sur laquelle ça vous couperait tous vos moyens. Vous ne pourriez pas du tout faire l'amour sur cette musique. Ouais. Vous nous avez appelé nombreux sur les réseaux au 3916. On vous a rappelé. Vous nous dites la musique sur laquelle il est impossible pour vous de faire l'amour. Il y a Jeanne qui est là. Bonjour Jeanne. Salut Camille, tout le monde. Salut. Salut ma belle. Alors la musique, tu l'entends tout de suite, t'es obligé de t'arrêter avec ton mec, avec ta chérie. Tu peux plus faire l'amour, c'est quoi? C'est Qui a volé l'orange de Michel. Je les imagine débarquer, c'est de tout lit avec leur tête. Qui a volé l'orange. Mais comment t'as pensé à ça? C'est ça. Mais comment t'as pu penser à ça? Ah, tu peux pas faire l'amour. Je crois, tu sais quoi? T'es la première à passer sur l'antenne, Jeanne. Je pense que t'es imbattable. On n'aura pas mieux. Ah ouais, non, mais là, j'aurais jamais pensé à ce morceau. Voilà. C'est impossible de faire l'amour sur l'orange du marchand de Michel. Ah ben, ah, c'est clair. Non. C'est impossible. Vous aussi, vous répondez. On a Mathieu qui est là aussi. Ça va, mon Mathieu? Ça va, mon Camille. Mathieu, tu vas nous dire dans un instant le morceau pour lequel il est impossible de faire l'amour. Avant, je vais demander à Laure quand même. Ma liberté de penser de Florent Pagny. Impossible, pour les simples, la simple et bonne raison. Bon, au-delà du fait que... Ça te fait penser aux impôts, toi. Non, c'est sur ça que ma fille a fait ses premiers pas. Elle a fait sa première fois l'amour, j'ai cru. Ça va pas la tête, non mais... Elle a appris à marcher là-dessus? Ouais, elle a fait ses premiers pas là-dessus. Du coup, à chaque fois que j'entends cette chanson, je vois l'image. Et l'image avec le truc... Avec le reste, pas possible. Bien sûr. Clément. Moi, c'est... pardon pour les plus jeunes, mais Gloria Gaynor, I Will Survive. France 98. J'imagine Zidane, Dugarry, tout le monde en train de danser autour. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils vont surgir à tout moment et c'est pas ce qui m'excite. Moi, c'est un peu pareil, j'avais 16-17 ans quand ils ont été champions du monde. Ouais. Et c'est vraiment un souvenir, c'est tellement fort en émotion que c'est vrai que ça me ramènerait à ça et que Je serais là avec eux sur le bus là qui redescend les Champs-Elysées, Clément. Je risquerais de prendre ma chérie comme ça autour du bras et de sauter avec elle. Pourtant, tu sais que je connais bien ton ex et ce qu'elle se disait à chaque fois que tu lui faisais l'amour. Ouais. Ah, elle en est morte. Hein. Oh non, c'est une blague. Pauline du standard, le morceau sur lequel il serait impossible pour toi de faire l'amour. Gangnam Style. Si, je l'imagine, ça va pas du tout. Gangnam Style. qui fait l'amour sur ça. Ou alors c'est violent. C'est... Ah ouais, c'est vrai, faut que ce soit sur le bureau ou un truc comme ça là. Ouais, c'est ça, il peut y avoir une ambiance. Ouais, quand mais même. Là ça fait violent, on te tape quoi, ça fait du cheval. Il y a que Laure qui voit des ambiances sur tous les morceaux. Pardon Laure, mais à quel moment tu peux voir une ambiance là-dessus? Bah parce que je vois mon mec, je pense à mon mec, donc moi tout de suite c'est bon quoi. C'est bizarre. Nico du bureau. Elle peut pas trouver l'ambiance que, à laquelle je pense. En fait, moi ça m'est déjà arrivé de me réveiller en vacances, d'accord, il y avait la télé allumée, c'était vers 11h et j'étais avec ma chérie et il y a le Motus qui commençait et sur le générique de Motus et je te jure ça nous a vraiment coupé l'envie de dingue. Et t'imagines Beccaro, c'était horrible. Tu peux pas. Ah ouais, je crois. Maman Motus. Allez là pour l'or. L'or, il y a une ambiance. Ah, un délire quand même. Les boules. Je crois que l'or pourrait faire l'amour sur tout. J'ai l'impression. Moi j'en ai une aussi qui me bloquerait vraiment. Ouais, c'est quoi? Ah, oh, mais non, mais là, c'est horrible. Je suis, mais avec de Santiago. Casse-moi la gueule, Boko Boy. Cartonne-moi la gueule. J'ai pas rentré les vaches dans l'enclos. J'étais un vilain fermier. Cartonne-moi la gueule, Boko Boy. Mathieu, quel est le morceau sur lequel tu pourrais pas du tout faire l'amour, mon pote? Moi, c'est Pump It. Parce que ça va trop vite. Ouais, ça va vite. Ah ouais? Ah si, ah, ouais. Pump It. Ah ouais, le Pump It, ouais. C'est sportif quoi. T'as l'impression que t'as quelqu'un qui chronomètre en fait. Ouais. C'est ça. Et moi j'ai peur de l'élongation, hein, donc on sait jamais. Pourtant, le titre de la chanson est. Ouais, on décide. Ok. Oh là là, non. Je suis le seul à y avoir pensé, honnêtement. En vrai, Pauline. Ouais, j'ai pensé. Ouais, bah oui. Évidemment, Nico du bureau. En attendant, en plus, je penserais trop à Tabou, l'Indien qui sert à rien, donc je pourrais pas des Black Eyed Peas. C'est le gars des Black Eyed Peas qui peut être interchangeable en deux secondes. Vous savez, il y a Fergie, il y a Will.i.am et il y a Apple Diap et Tabou. Ouais. Bon, bisous à eux, quoi. Ah, mais lui, le pauvre, j'ai pas compris sa carrière. Ah non, bah il y en a pas. C'est, il est avec Will.i.am, quoi. Oui, Ginger sur les réseaux. Tu sais que tous les morceaux que vous passez là, en fait, c'est ma BO de mes années au Club Med, hein, quand j'ai bossé là-bas. Ah ouais. Donc, alors, apparemment, t'as fait l'amour en plus. Bah, quand tu rentres un peu plus tôt et que t'as la discothèque en fond, t'entends tout ça, je suis désolée. Oui. Hein. Et ça t'empêchait pas de faire l'amour? Bah non. Sacré Ginger. Mathieu, je t'embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Et surtout, changez rien. Je vous adore. T'es un amour, Mathieu. Ben, vraiment, merci de votre fidélité. Merci de nous supporter tous les matins, les copains. On est tellement heureux d'être là. Restez avec nous tout de suite. C'est Matt Simons sur. Non, pardon, Alan Walker sur Virgin Radio. Excellent réveil à tous. Merci. Virgin Tonic. This is Alan Walker. Virgin Tonic. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.

toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale. Avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France! Avec EDF Entreprises, en cas de fuite d'eau ou de panne d'électricité, vous pouvez compter sur un dépannage rapide. Que vous soyez un professionnel ou une PME, avec les services assistance dépannage d'EDF Entreprises, des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour résoudre vos problèmes dans un délai de 4 heures pour la plomberie et de 2 heures pour l'électricité. La garantie de ne pas perdre de temps. Conditions de l'offre sur edfentreprises.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Le nouveau Red Hot Chili Peppers. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadows, smile to see what it has to say. You and I both know. Everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart attack. Bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the Zodiac. But I see your eyes fall. Keep the breeze and go. Blow by blow and go away. What do you say? Yeah. You don't know my mind. You don't know my mind. Top necessities are part of my design. Tell the world that I'm falling from the sky. Top necessities are part of my design. Think you want it like a paperback with the track of a dopamaniac. So I move it in and we unpack. It's the same as yesterday. Anyway, we flow. Everything must go away. What do you say? Yeah. You don't know my mind. You don't know my kind. Top necessities are part of my design. Tell the world that I'm falling from the sky. Top necessities are part of my design. Matin à 9h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Hey, tous les matins, un petit peu à la bourre, ne nous en voulez pas, mais on est très heureux d'être avec vous chaque matin. Vous le savez, 6h, 9h30, et c'est pas pour rien qu'on est là, c'est pour vous payer une dernière fois votre loyer. Voilà, tous les jours, on fait ça, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Que des gagnants de ce matin, à 6h, Carole. Il y a une heure à 8h20, Aubery de Lille, ouais. Kinésithérapeute. Yeah. Et malheureusement, à 7h20, Yves n'a pas décroché. 2000 euros quand même, quasiment, de loyer offert ce matin. Et on y va avec un dernier tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Avant même de savoir qui a gagné, je voudrais vous remercier d'être si nombreux à vous inscrire le matin. Je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être tirés au sort. Ça va vous sourire un jour. Parfois, on a des gens, c'est la première fois qu'ils s'inscrivent. Et puis parfois, il faut quelques semaines, quelques mois. Mais on est là tous les matins, 4 fois par matin, c'est à gagner. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Bonjour mon pote ! Bonjour ! Bonjour, quel est ton prénom ? C'est Brieux. Brieux ? Oui. On a que des noms de fromage ce matin. C'est breton, non ? On a eu C'est breton, ouais. On a eu Aubery, il y a une heure, et Brieux, je connaissais pas. D'accord, c'est breton ? Ouais. D'accord, tu viens donc de Bretagne ? Eh ben non. Je suis pas le nom en même temps que mon prénom en fait. Non, là, y a que le prénom qui vient de Bretagne. Moi, je suis de Bourg-en-Bresse. D'accord, très bien. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis infirmier libéral. Ah, infirmier, mais c'est une spéciale ce matin. On vous a tellement passé de bonjour comme tous les jours, ça nous fait plaisir. On a eu des infirmières, des kinés. Carole était infirmière, là, le premier loyer qu'on a payé. Exactement. Voilà, plein d'aides-soignantes et d'aides-soignants. Eh ben, mon Brieux, il est de combien ton loyer ? Ah ben, attends d'abord. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Excusez-moi. C'est Virgin Radio. pas. Vous pouvez pas vous tromper, on est les seuls à vous faire un cadeau pareil et 4 fois par matinée. Brieul, je suis très heureux, vraiment, sincèrement. Et je vais te faire un chèque de combien ? 2331, il y a des brouettes, mais tant pis les brouettes. Non mais tu rigoles, on mettra les brouettes avec. Eh ben mon pote, ça veut dire que ce matin, grâce à toi, on a offert pour près de 3 300 € de loyer sur Virgin Radio. On est heureux à chaque fois de vous faire ces cadeaux. Et encore, il y a Yves qui n'a pas décroché malheureusement à 7h20. Brieul, dernier gagnant de la matinée. Un infirmier, c'est un beau métier, je suis content. Je t'embrasse. Ah, c'est trop bien. Bah, gros bisous à toute l'équipe et continuez ce que vous faites, c'est trop bien. Bisous. Bien à l'amour. Salut Brieul. Salut mon pote. Ah oh là là là là. De Bourg-en-Bresse, Brieul. Avec sa sœur Soisic. Que des prénoms bretons, mais ils habitent à Bourg-en-Bresse. C'est Brioc. Ouais, Brioc. Ah bon? Bah oui, mais je t'ai laissé parce que je sentais que t'étais bien et puis c'était. J'étais bien, moi ça marchait bien. C'est Brioc ou Brioc? Non, c'est Brieux. C'est Brieux. Ah, Brieux sans le C. En fait, c'est aucun des deux. C'est aucun des deux alors. C'est ça, hein, c'est aucun des deux. C'est Brieux. Ok, ouais. Bah écoute, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Non, non, non, non. Mais écoute, c'est important. Oui. Non, mais on l'avait pas eu souvent ce prénom. Ouais, bah écoute, c'est Brieux, hein. Très bien. Ouais. Et bah écoute, on n'écorchera plus jamais, mon pote, d'accord ? Non, non, mais y a pas de souci. Mais je sais, mon poteau. merci à toi d'être avec nous, les amis. L'émission va se terminer. Oui. Oh. Il est temps de vous dire qu'on va se retrouver évidemment demain pour une nouvelle émission. 6h-9h30, on sera là une nouvelle fois et ça nous fait très plaisir de vous accompagner en week-end. Il y aura une nouvelle question de ouf au 01 84 07 08 09. Vous pouvez répondre dès à présent. Alors c'est pas une question fin de semaine, vous allez chanter. Et vous chantez sur Au Soleil de Jennifer. Ah, trop bien. S'exposer un peu plus au soleil. J'adore, on peut écouter un peu. Vous pouvez faire les paroles, les refrains, tout. Ah, j'adore. S'exposer un peu plus au soleil. Et après, on mélange toutes vos voix et on fait un tube. Je connais pas Jennifer, mais je crois vraiment que je sais pas pourquoi, j'ai une passion. Je crois que c'est une de mes artistes françaises préférées. J'ai grandi donc avec la Starac. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc, je l'adore. Cette elle est simple, elle est géniale. Elle est belle. Tu l'as jamais rencontrée ? De mes rêves. C'est hyper ému quand tu l'écoutes en fait. J'attends l'amour, la douceur. Est-ce qu'elle l'attend encore? La non, elle est en couple ou pas? Elle est en couple, elle est heureuse, elle est jeune maman, on lui souhaite que du bonheur. Bon les copains, en tous les cas, sachez qu'on est très heureux de vous retrouver demain. On aura encore le loyer, je vous l'ai dit, 4 fois dans la matinée. On offrira enfin ce séjour à la Guadeloupe. Ouais. Et valeur 5 000 €. Oui, Nico du bureau. Et puis demain, il y a une demande en mariage. Et oh là là, les amis, c'est vrai. Oh, Caroline. Ah oui, on leur a fait un beau cadeau. Ils ont dit si vous nous offrez le cadeau, c'était la Adèle. Semaine dernière. C'est pour les places pour Adèle. Exactement, les places pour Adèle. Elle a dit si vous m'offrez le cadeau, mon chéri me demande en mariage. Et bien, vous savez quoi, la demande, elle se fera demain matin. C'est fabuleux. En direct, dans le Virgin Tonic. C'est fou, hein. Et là, attention, il y a le bad boy. Là, il y a Pierre Alex qui est là jusqu'à midi. Ouais. Là. Comment tu vas, toi aussi. Bah écoute, ça va très bien, et toi? Oh, blouson de cuir, un truc relevé. Ça va faire un castagne. Ouais, elle se fait une petite sortie ce soir. On dirait qu'il vient de se mettre sur la gueule avec les gars d'RTL2 sur un parking. Ouais, il vient là, tu vois ce que c'est Virgin Radio. Attention les gars, il y a les gars d'RFM qui débarquent. Ok, rien à foutre. Direct, il revient d'une moto qui arrive en bas là. Ah non, celle de Ginger. Les amis, on est très heureux. Tu nous prépares quoi jusqu'à midi, mon Pierre-Alex? Ce matin, je vais encore une fois vous inviter à Electrochoc, hein, la plus grosse soirée électro de France. Tout le monde veut y être. C'est tout en plein là. Hein. Oh là c'est là dans là. Quoi? À peine 2 semaines. 23 juin, Altony Garnier à Lyon avec Cassius. Il y aura aussi Kungs, The Avener, les plus grandes stars électro seront là. On l'a fait dans plein de villes, on a rempli des zéniths, des choses de dingue. Mais là, c'est encore plus énorme. C'est 12 000 personnes, 12 000 invités. Il va y avoir une ambiance de dingue. Il y aura Pierre-Alex à poil complet, littéralement. Go-go dancer de Kungs. Évidemment. Oh là là. Mon Pierre-Alex, on est heureux. On va t'entendre jusqu'à midi au bureau, d'accord? C'est parti. Eh ben, c'est parti. Enfin, c'est le bureau des légendes. Hein. C'est-à-dire, tu vois, dans le bureau, il n'y a personne. Le vrai bureau des légendes, c'est celui du Virgin Tonic, je vous le dis. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Pierre-Alex, l'antenne est à toi, c'est parti mon poteau. A demain et on commence la matinée avec Matt Simons. Virgin Radio. Hey, this is Matt Simons on Virgin Radio. Pop, rock, electro. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in. Wake up, that's my part of me.

vous allez l'entendre partout. It's new. Mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. Je commate sur ma comète. Tu me laisses des promesses obsolètes. Dans l'ambulance, on danse. Baiser volé à la sauvette. Un amour parallèle. Je me noie dans tes yeux caramel. En zone de turbulence. On danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime. Nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les gringos, les larcènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. J'aime quand tu dors dans mes habits. Quand tu devines ce que je n'ai pas dit. Sur les civières on pense. Des blessures infinies. Une rupture animale. Dire adieu à l'horizontale. En zone de turbulence. On danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime. Une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les gringos, les larcènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne. Que restera-t-il de nous? Des parfums, des images. Je verrai toujours à travers les foules ton visage. Une nuit sur deux, je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les gringos, les larcènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. Virgin Radio, bon début de journée, c'est Pierre-Alex avec Justin Timberlake qui arrive. Justin Timberlake, la star qui en plus de donner le sourire au monde entier en ce moment avec Can't Stop the Feeling, va peut-être devenir le premier artiste au monde à chanter au Monte Carlo Theater, énorme salle actuellement en construction du côté de Las Vegas. Imaginez ça sur scène. Ah, ça doit être tellement énorme. La première fois que vous l'avez entendu, ce nouveau Justin Timberlake, c'était ici aujourd'hui, les numéro 1. Can't Stop the Feeling arrive dans les 40 minutes de pop rock électro non-stop avec aussi Clean Bandit et The Avenger qui vous attend ici. La plus grande tournée électro de France. Electrochoc va ambiancer Lyon le 23 juin. Tout le monde les mains en l'air, faites du bruit. Vous serez 12 000 à l'Al, Tony Garnier avec nous pour voir sur scène The Avenger, Cassius, Flume, Alina George, Synapso, Cooks, Stellar Tonic, Moom, Offenbach, Hugel, les plus grandes stars électro de Virgin Radio vont faire la fête avec vous. Génial. Un régal, franchement. Merci Virgin Radio. Énorme. Envoyez un SMS au 7-12-13, code électro, et repartez avec votre séjour plus vos places pour venir le 23 juin à Lyon vivre Electrochoc, la plus grosse tournée électro gratuite de Virgin Radio. Oh là là là là.